Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rocky. Sébastien Viertin sera là pour mettre de l'ordre dans les idées avec son bulletin gaffin. Et Alex Marchand suivra pour tout déplacer dans sa chronique dans ma tête. Alexandra Jrocki commence maintenant. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Bienvenue à Assemblage Rocky en ce mercredi 17 janvier 2018. On est à 100 jours exactement de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières dans notre incroyable studio. Spacieux studio. Exactement, là où le chauffage est revenu depuis maintenant 2 jours. Ouais, on c'est est ça. Vraiment très content. Il n'y a pas le temps de remplir le studio complet en 2 jours, apparemment. Mm-hmm. C'est seulement 20 quand même. Hein? Exact. Un beau petit 20. Moi, je trouve ça correct, 20 par contre. C'est comme une température du sud. C'est ça. aujourd'hui, l'émission, Tania, quand même, on va se le dire, il n'y a pas juste toi et moi là-dedans. Bien non. Il y a des gens qui s'en viennent. Oui, plusieurs personnes, dont Sébastien Viertin, qui va être avec nous dans quelques minutes pour sa collègue Bulletin Gartin. Ensuite de ça, à 9h30, en toute fin d'émission, Alex Marchand devrait être avec nous pour sa collègue Dans ma tête. On va faire le tour de ce qui se passe dans cette tête-là, que ce soit de la musique, du nightlife. On ne sait jamais trop où on s'en va avec Alex, mais ça fait tout le temps des chroniques très intéressantes. Absolument, et c'est souvent arrosé. Exactement. D'alcool. Soit de la veille ou du jour même. C'est ça. On salue les gens qui ont bu de la bière près de notre studio ben hier. Ben oui, merci beaucoup de nous en avoir laissé une en passant. C'est très gentil. On les a remises aux autorités. Exactement. Alors voilà, c'est le plan d'aujourd'hui. On a plein d'autres choses autour de ça. Bien sûr, nos chroniques maison, hein, évidemment. Ta chronique s'en vient. Tania Esgalin-Tutania, qu'est-ce que tu prépares? Bien, Mathieu, j'ai essayé de faire un petit peu un lien entre notre humeur et la nourriture qu'on mange. OK, pas notre humeur à nous, là, spécifiquement. Non, pas à toi et moi, okay. Mais l'humeur en général... Ça pourrait être lourd comme versus... Oui, en effet, versus la nourriture qu'on peut mettre dans notre bouche. Eh bien, Colin, man. Eh bien, ouais. C'est génial, ça. Vous allez voir, très intéressant. C'est tantôt. Dans Tania Esgalin Tutania, mais avant ça, nos émotions, on les porte sur notre... C'est quoi, manche qu'on porte, petit? On porte nos émotions sur la manche? Ouais, en anglais. Ouais, c'est ça. C'est « To wear your heart on your sleeve ». Exactement. Donc, on écoute « Vendredi sur mer ». Voici « L'arme à gauche », comme dans « Sniff, sniff, sniff ». J'ai regardé dans ton téléphone, il y avait un mail de Camille. Dans ma tête, ça résonne, elle est charmante, cette fille. Je ne l'ai pas supprimé. J'ai attendu que tu le vois. Et là j'ai pu t'admirer, en train d'imaginer sa voix. Elle fait pleurer les garçons qui s'attendrissent devant elle. Elle fait pleurer les garçons à qui elle ose dire non. Elle fait pleurer les garçons qui lui disent qu'elle est belle. Elle fait pleurer les garçons et elle a bien raison. Brille. là où chaque étoile brille. Believes avec 1994. Ah, assemblage requis. Hein? Ouf. Ce matin, là. Ouf. Et... c'est les lugubres. Ouh. Ouf. Sombre et lourd. Comme nos émotions. Hey, my God, ça va bien, Mathieu? Est-ce que tu veux en parler? Moi, ça va bien, là. Oui, moi aussi. À la radio, ça va très bien. Donc, c'est Sébastien Evgartin qu'on accueille. Tu remarqueras, Sébastien, que j'ai pas commencé à faire du contenu quand t'es arrivé en retard cette fois-ci. J'ai appris de mes deux fois, deux erreurs où j'avais commencé du contenu. Je te le permets. Merci. Je l'ai pas fait. Je veux dire, OK. OK, OK. Ah, t'aurais pu commencer du contenu puis me faire attendre aussi, là. Ben non, regarde ça, je suis prêt, là. C'est le bulletin Gartin. T'es effrayant. Effrayant. T'es effrayant! Sébastien F. Gartin pour le bulletin Gartin, où chaque semaine on parle de ce qui se passe dans le monde. Oui. Oui. Oui. C'est ça. De quoi on parle. Je t'ai encore un peu insulté de ce que t'as dit avant, là, en tout cas. Mais c'est quoi? Ben là, tu t'arrives en retard. Je suis pas supposé être quand moi, que pour le. Sur ta cédule. C'était pas méchant, voyons là. Là, les gars, là, ça suffit les couteaux bas, hein? Bon. Harmonie dans le studio ce matin. Ça, avez-vous entendu parler? Des couteaux, non? Tu peux. Non, ben oui! Hein? As-tu pensé ça, cet article-là? Il y a quelqu'un qui a partagé sur, je crois que c'est Reddit, le fait qu'il y a beaucoup de familles qui possèdent un poop knife. Ben voyons. Un couteau. Que quoi? Un poop knife. Un couteau à caca? Ouais. Qui est fait pour ceux qui font tomber de grosses briques dans la toilette et qui doivent le couper pour le faire passer. Hein? Je te jure, il y a des familles qui ont ça et qui se demandent, genre, hey, pourrais-tu m'amener le poop knife? Il y a plus qu'une famille. Et tellement que, genre, quelqu'un aux racontait... Aux États-Unis, c'est ça. Seulement. Quelqu'un racontait son histoire et puis il disait, genre, j'ai demandé à mon ami de m'amener le poop knife, puis le gars, il savait pas quoi. Fait que là, ben, ça a commencé, là, comme ça, qu'il a découvert que c'était pas tout le monde qui avait un poop knife. Ben, j'espère bien. C'est fou, hein? Ça me fait un peu penser à l'histoire du petit bas... Du petit gars qui avait perdu sa botte plug à l'école, qui avait demandé une nouvelle botte plug au directeur de l'école, puis c'est que sa mère lui mettait une botte plug pour pas que Satan rentre par en arrière. Non! Ouais. Wow! C'est un beau code de DPJ d'ailleurs. Ouais, aussi, en effet. T'imagines, en tant que directeur d'école, tu sais, il arrive dans ton bureau un petit gars, puis il te demande ça. « Oui, monsieur, est-ce que vous auriez une botte plug? » C'est, wow! c'est clairement le genre de journée qui a commencé pour ce directeur-là en se disant « Oh, ça va bien. » C'est ça. Va être une belle journée aujourd'hui. Prends mon café. « Ah, oh, c'est pas pire. T'sais, on a équilibré le budget. C'est botte plug. Calisse, la DPJ. On a coupé ça au couteau, le budget. Là. Avec un poop knife. Poop knife et botte plug. Ça commence vraiment très bien, ce bulletin Gartin. Oui. Dans quel monde vivons-nous, mon ouais. Dieu? Je vais dévoiler une petite tranche de ma vie parce que des fois ça me tente. Moi, le matin, j'ai un petit rituel quand je me lève. Ouais. Je me fais un café, je me fais un bagel, puis après ça, j'écoute le Philippe DeFranco Show de la veille sur mon iPad avec mes écouteurs pour pas réveiller ma blonde. Mm-hmm. Puis là, ce matin, j'écoute celui d'hier parce que lui, il publie Philippe DeFranco, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un YouTuber qui fête ses 10 ans en fait. Il a fêté déjà ses 10 ans sur la plateforme. C'est un vlogger, mais de qualité. C'est ça. C'est un. Qui est rare. C'est ça. Même qu'il essaye en fait de lui, il encourage beaucoup au débat. Il essaye d'être le plus nuancé dans ses opinions. C'est-à-dire que c'est pas un républicain pantoute, mais c'est pas vraiment un démocrate non plus. T'sais, c'est un Américain. Fait que, bon, c'est un gars qui a des opinions divergentes. C'est ça. C'est un genre de qui tente d'être le plus nuancé possible dans ce pays qui connaît très peu la nuance. Puis bon, ça, ben tu sais, on parle d'histoire trash. Puis je me disais en arrivant, bon, tu sais. Assemblage requis, tu sais, c'est une émission plus, tu sais, avec Mathieu Pitania, tu sais, qu'on dit plus des jokes. Je pensais que ça allait dire qu'on était trash. Je m'en allais dire, tu sais, justement, souvent, le ton dans l'émission, tu sais, c'est bon enfant. C'est léger. Pis, on fait des jeux de mots, puis c'est drôle. Sauf comme Mathieu parle de ses émotions. C'est bien lourd et noir. Faut pas en parler. C'est qu'à matin, ce qui dans le Philippe DeFranco que j'ai écouté à matin, qui est celui qui a publié hier en fin de journée, dans le fond, c'était un... Il parlait entre autres de la famille, tout le monde a entendu parler probablement de la famille, là, qu'il y avait 13 enfants, là, dont la plus vieille était rendue à 29 ans, qui est gardée attachée, enchaînée en fait, dans leur lit, dans leur maison. Mm-hmm. Je me dis, histoire incroyable. Je m'en vais à assemblage requis. Ouais, c'est Mathieu ça. Va faire des jeux de mots, Tania va le réprimander, ça va être drôle. Non, calé. Non, je vais garder mes jeux de mots dans le sous-sol. Ok, merci. Avec des menottes. Fait que, bref, on va. Hein, c'est ça. sur cette tranche de vie, oui. Parlant des États-Unis, oui. Je me suis dit, là, on s'en va vers la première... c'est pas encore tout à fait fait, mais on s'en va vers la première année du règne de Trump premier. Je pensais dire la première nouvelle guerre mondiale, nouvelle génération. Ouais, hey, moi aussi, je suis là, oh non. Ouais. Hey, c'est un reboot, là, c'est bien populaire aux États-Unis. Hein. Ouais, ouais, ouais. Du le pre-sequel. Le... Parce que ça va revenir, alors ça va ramener à l'âge de pierre, mais c'est en même temps un sequel. Mais fait que ouais, c'est un vrai sequel. Whoopi Goldberg va jouer là-dedans, sûrement. Probablement. Avant de devenir, c'est ça, présidente des États-Unis. Il va avoir des nouvelles timelines. Ouais. Finalement, Kirk aura pu son père, puis en tout cas, bref. La vie va être incroyable. C'est ça. Incroyable. Non, c'est ça. C'est parce que ça, je regardais ça cette semaine, puis de Il y a deux grandes nouvelles, tant qu'à moi, aux États-Unis cette semaine, là, plus importantes pour le reste de l'humanité. Une qu'on va se demander un peu pourquoi ça a rapport avec nous, mais je vais y venir. Puis une, ben, on comprend. Là. Bon, de un, puis c'est les deux par rapport à l'administration Trump, oui puis non, là, mais en tout cas, la première, ben, c'est le fameux commentaire « shithole countries ». Ben oui. Mm-hmm. Hein, on a entendu parler. Ben oui. C'est la traduire pour donner... certains médias. Oui, ouais. Exactement. Nous ne le ferons pas ce matin. C'est ça. Oh, fais-moi confiance. Il essaie de t'arrêter comme bon, bien. C'est ça que je voulais tantôt. bon, c'est ça. En gros, pour donner un contexte rapidement, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, lors d'une conférence de presse, en fait. Si je me souviens bien, le, ouais. Le Trump en chef, le Twitter en chef de la Maison-Blanche, aurait lâché le commentaire. C'était pas vraiment en conférence de presse, c'était... parce que c'était pas en public, c'était en conférence privée. Là. Ouais, c'est ça. C'était une réunion, avec moi. C'est devenu une réunion, public quelques heures après. Genre. C'est ça. Parce qu'il y avait quand même des médias, là, une affaire comme mm-hmm. ça. Ouais, c'est pas clair parce que, bon, c'est, en gros, ce qu'il a dit, c'est qu'il comprenait pas pourquoi est-ce que les États-Unis accueillaient autant d'immigrants provenant de pays de merde mm-hmm. comme ça, les fameux shithole countries. Mm-hmm. Oui, et on rappelle que shithole n'égale pas rat hole comme Radio-Canada a essayé de nous pousser non, c'est ça. En essayant de ne pas être vulgaire. Tu sais, le président américain est vulgaire. Si on ouais. censure, ça aide pas bien la cause de montrer qu'il est vulgaire. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. T'sais? Ça m'a donné. Ça m'a donné. Il y a politically correct et politically correct c'est à un moment donné. Parce que là, c'est comme le rendre quasiment correct ouais, c'est en ça. Censurant. Là. C'est ça. C'est comme une... J'aime bien saupoudrer ce mot parfois. C'est de la pudibonderie, à mon avis. Oh boy! C'est beau! Ouais. C'est comme être Station. Un petit peu trop pudique. De oh! Ouais. Ouais. Ouh, OK, non, c'est pas propre. On va le cacher mm-hmm. un petit peu. De la pudibonderie. Ouais, mais il y a des pays qui ont fait mot de la journée. Des gens qui ont fait pire, ouais. des pays où ça disait genre pays sale ou des trucs comme ça. Ouais, mais en même temps, là, c'est que c'est des questions linguistiques aussi à un moment donné de dire que des fois pour. Tu sais, comme. Mais trouver... tout le monde connaît le caca partout dans le monde. Ouais, ouais, non, mais dans le sens que c'était pour. Des fois, c'était pour montrer la violence du propos. Ils vont mm-hmm. y aller avec une expression typique de la place pour. Ou il y en a aussi que l'encore, c'est de la pudibonderie, puis c'est un euphémisme qu'ils ont utilisé à la place. Ouais, c'est ça. La France, mais... c'était quoi, un pays où les oiseaux ne. Ne mange pas, ouais. Je sais pas quoi. C'est le bout qui m'a moins intéressé de la situation, c'est que une chose que j'ai trouvé très très drôle, c'est qu'il dit pourquoi est-ce que les gens, pourquoi on n'accueille pas de gens de la Suède ou je sais plus quelle, la Norvège. Mm-hmm. Puis là, il y a quelqu'un en Norvège qui a cru bon de comparer les États-Unis et la Norvège. C'est-à-dire, bon, le système de santé publique, la gratuité scolaire, ainsi de suite de ça. Donc, tu sais, cocher vert ouais. Côté Norvège, puis cocher rouge côté États-Unis. Puis là, il dit, qui est-ce qui voudrait déménager dans un shithole country comme les États-Unis? Ben oui, tu sais. En tout cas, le parce que le filet social aux États-Unis, il est pas fantastique, on va se le dire. Il est trop pas mal. Il est trop pas mal. Il est principalement constitué d'air. Bref. Pareil comme le président. Ouais. Non, il est en très bonne santé, hey, apparemment. Attends, on va... Parlons-en. Hein, okay. Sérieusement, il dit qu'il fait 6 pieds 3, 230 quelques livres. C'est physiquement impossible. Je fais cette grandeur-là, je suis pas mal moins garni que lui, côté gras. Mm-hmm. C'est sûr qu'il fait minimum 300 livres. Minimum. Écoute, c'est lui qui a le gros bout du bâton, là. Ouais, gros bout de belles affaires, sauf là où ça compte. Hein? Oui, en c'est effet. Ça. Mais non. C'est impossible. Regardez une photo d'un joueur de football américain qui de fait la même grande, ouais, et le même poids là, puis regardez voir si Trump est dans le même range. Mais attends, il y a une différence par exemple que le joueur de foot ça soit du muscle tandis que Trump lui n'a pas de muscle. Justement, c'est du gras, c'est pas mal plus lourd. Non, en fait, du non, muscle c'est plus pesant. Pour vrai? Du muscle c'est plus pesant que du gras, ouais. Quand même. Mais c'est parce que souvent t'en as quand même moins épais maintenant. Exactement. Ouais. Mais bref, voir qu'on parle de ça. Hey, moi, je voulais pas m'en aller dans le body shaming, mais en fait. Mais non, nous non plus. Quoi, le body nous non plus. Moi, j'ai juste parlé de sa santé. C'est lui qui est rentré dans sa physique. La semaine passée, j'étais raciste. Cette semaine, je fais du body shaming. Bullying. J'ai aucun respect pour personne. Surtout pas pour Trump. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Mais en fait, c'est qu'en même temps, c'est intéressant parce que, comme tu dis, Mathieu, tu sais, le point intéressant, en fait, là, c'était un peu une blague là, que je disais que tu faisais du body shaming. C'est une blague, la semaine passée, le racisme? Non, c'est ça. Oh, tu l'as sur le cœur, oui. Hein? Oh my God! Ça m'a insulté, bon, moi je aussi. M'excuse. Merci. Et je m'excuse d'avoir check exposé ton privilège, retard. White man. Bon. Donc, mais c'est intéressant, en fait, parce que c'est un peu là où ce que je voulais en venir, parce qu'il y a un autre incident. En fait, gardez ça en tête, tu sais, on fait des jokes sur le bon, regarde là encore Trump qui semble avoir exagéré son poids, mm-hmm. Tu sais, qui semble bullshiter sur son poids, ouais. Qui va tout le temps faire des déclarations dans ce genre-là, tu sais, le fameux scandale entre guillemets dans lors des primaires à propos de la taille de ses mains, puis que. T'sais, c'est de ça que je parlais tantôt en passant. Des petites affaires, ouais, c'est ça. Mais tu sais, vous savez ce qu'on dit, hein, la taille de l'engin est proportionnelle à la taille des mains, souvent. Hein? Mm-hmm. Fait que, tu sais, même si on s'entend que c'est très peu, si on s'entend que c'est modérément scientifique comme. Il n'y a pas tant de corrélation scientifique. Non, c'est là-dedans. Ça, mais t'sais, quand tu te rabaisses à dire ça, ouais. Sur la taille de tes mains, on entend-tu que t'es peut-être le genre qui croit ces affaires-là? C'est ça ou ton bouton nucléaire, là, c'est pas mal. C'est ça. Là, la taille du bouton nucléaire, bon, tu sais, on voit que ça vole pas haut, là. C'est troisième année du primaire, pas mal, son affaire. Ouais, c'est ça. Un autre événement important qui s'est passé la semaine passée, qui a rapport, mais qui l'a pas en même temps. Je sais pas si vous avez entendu parler de la fausse alerte à Hawaï. Oui, parce qu'ils en ont parlé pendant des heures durant. Ouais. Ouais. Je comprenais pas, c'était comme ok, c'est une nouvelle, mais à un moment donné. Mais quand tu y réfléchis, j'imagine que tu vas aborder le sujet, là. Ouais. Ça a du sens qu'on en ait parlé aussi longtemps. C'est les répercussions c'est gros, que ça aurait pu fait. Avoir. Ouais, c'est ça. C'est que, bon, en gros, là encore, expliquons la situation contexte. Pour les gens oui, qui vivent oui, sous en une effet. Roche. Un peu une émission de service quand même. Tout hein? À fait. Ben ouais. C'est pas mal ça. C'est pas mal, ouais. C'est ça. En gros, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu le système d'urgence d'alerte aux missiles à Hawaï a été déclenché par erreur. Par une personne qui a accroché le c'est bouton lancé. Les boutons, man! C'est ça. C'est que, en gros, ce qui c'est se pas passe, avec ses doigts, lui. C'est quand ils finissent un chiffre, quand ils finissent leur chiffre à la centrale, place ouais. La centrale où ce qui vérifie, où ce qui guette les urgences comme ça. Ça ressemble un peu à un garde-robe leur affaire, j'ai vu. Il y a un... C'est vrai? Dans le fond, en quelque part, ils ont un ordi qui leur permet de déclencher la fameuse alerte aux missiles de un missile s'en vient sur Hawaï. Tu sais, les missiles intercontinentaux, c'est slow, là, ça a le temps de se rendre. C'est quasiment une demi-heure. C'est ça. Donc, tu sais, ça laisse le temps aux gens de se réfugier en quelque part s'ils voient assez vite. Donc, ça envoie des messages sur les téléphones cellulaires à tout le monde, sur l'alarme les panneaux routiers, aussi, ouais, les panneaux l'alarme, il y a tout le kit. Je crois que c'est deux ordis différents par rapport à l'alarme sonore, mais bon, là, on s'en fâchera pas d'aller. Ouais, c'est ça. C'est des alertes à la radio. Puis à TV, puis on va y par là. Fait, ça déclenche une espèce de système automatique là, qui dit aux gens quoi faire là, rapidement là, ouais. pour essayer de survivre à l'impact. Et c'est qu'ils ont montré qu'en gros, à la fin de chaque chiffre de la personne qui la job, c'est de guetter pour ça puis de déclencher si c'est nécessaire. Ils sont encore une fois seuls chacun. Donc, mettons, t'as un chiffre de 8 heures, t'as 8 heures, tu t'en vas, l'autre arrive, t'as un autre 8 heures, il s'en va, c'est l'autre ça. Arrive, t'as l'autre 8 heures. C'est ça. À la fin, il y a un petit menu déroulant où ce qu'il faut faire soit le test pour voir si le système déclenche. Dans le fond, s'il n'y a pas de problème informatique à déclencher le système ou le déclencher pour de vrai. Ouais. C'est un petit menu déroulant bien. Ben tu normal. Peux très bien cliquer tout croche. Ouais. Donc, tu scrolls puis tu l'accroches. Loin de Murphy, ce qui devait arriver arriva. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il a scrollé croche, il a cliqué, puis là, ben, il a cliqué sur le mauvais. Puis ça a envoyé un déclencher la lettre. Il n'a plus d'emploi présentement. Non, ben, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils ont, en fait, le département responsable de ça a reconnu que, ouais, effectivement, c'est quasiment surprenant que ça ne soit pas arrivé avant. Ouais, c'est tellement ça. C'est facile personne, de faire une erreur. Là, à ce temps, ils sont deux. Il faut qu'il y ait deux personnes qui signent pour déclencher ça. Donc, il faut qu'il y ait deux personnes qui se loguent pour. Un peu comme les clés, le déclencher. Oui, exactement. Mais probablement qu'ils vont refaire aussi le petit menu qui scroll. Ben, c'est ça. Il y en a qui parlent de boutons. Toi, tu parles de menu. Ben, c'est un petit menu. Moi, non, mais je l'ai vu. Là. T'as c'est vu un le petit menu. Menu. Okay. Ouais. Il est allé à Hawaï direct. Ouais, ouais. Ouais, ouais, on a vu d'ailleurs que c'était sur Windows 7. Pour ceux qui connaissent leur petit look de Windows. Ce qui est rassurant, parce qu'il y a encore des choses comme ça qui marchent sur genre Windows 95. Oui. Oui. Qui est très facilement hackable. Bref. C'est ça. Les autorités compétentes ont reconnu, en fait, que c'était pas la faute de la personne qui a fait la faute, qui a fait l'erreur. C'était vraiment que c'est mal fait. Donc, ils ont revu leur procédure faire, et ainsi hein. de suite. La personne a eu un congé payé. Parce que c'était traumatisant. Ben, ça doit, oui. Ouais, mais ils n'ont pas remis sa job en question. OK, là, au moins, que, c'est bien. Parce que, comme ils l'ont dit, ils ont dit qu'il n'y a jamais personne qui s'est creusé la tête à propos de ça. Ils m'ont mis le bon que c'est fini là. Puis ça a fait réaliser que, ouais, en fait, si tu y penses bien, c'est quasiment surprenant que ça ne soit pas arrivé avant. Mm-hmm. Ouais. Bon, pourquoi, quel est le lien entre ça et le commentaire de Trump? C'est que je voulais aborder la question de la confiance aujourd'hui. Ouais. La confiance. La confiance. Parce que, bon, on parle qu'on est à l'ère des postes, de la post-réalité, des faits alternatifs et de la post-vérité, et ainsi de suite. Gros post. Bref, ce que j'aime appeler l'ère de la bullshit. Oui. Oui. Donc, c'est qu'une des choses un des problèmes avec des fausses alertes comme ça, c'est que ça fait que les gens, la prochaine fois, vont peut-être être moins vigilants quand l'alerte va arriver, vont être moins portés à se dire. À paniquer, en fait, et à comme agir vite, vont se dire « Ah, c'est peut-être encore une alerte. » Il n'y avait pas vraiment de détails non plus. Ça disait que c'était pas un test, là, mais à part de ça, ça disait genre « Seek shelter immediately », mais tu sais, en 15 minutes, où est-ce que tu vas être réfugié? Dans ton sous-sol. Est-ce que c'est assez? Ah, voyez, de toute façon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de sous-sol. Tu sais. En tout cas, bref, les gens disaient qu'il n'y avait pas beaucoup de recours de toute façon, même si t'avais un message. C'était comme, prends tes 15 dernières minutes pour dire au revoir et dire aux gens que t'aimes, que t'es prends ton char, man, et roule. Et roule. Ouais. Ne pèse pas sur le frein, fais juste peser cette pédale. En même temps, ça peut justement te donner une chance de. Le monde qui ont des sous-sols, il y a des shelters. Mais de toute façon, moi, c'est plus une question de la confiance de la prochaine fois qu'il y a une alerte comme ça. Ça sera peut-être pas à Hawaï. Là, ils ont décidé. Ouais, de... c'est ça. Mais en fait, une des choses, c'est qu'à Hawaï, c'est la. C'est plus près que... C'est la partie la plus à l'ouest des États-Unis. Ce qui fait que c'est la partie la plus accessible en termes de missiles. C'est le seul Américain le plus accessible en termes de missiles de la Corée du Nord. Donc, si on a une place à attaquer en premier, ça va peut-être être là, parce que c'est la place la plus facile à se rendre. Ouais. Donc, bref. Moi, le problème que j'ai avec la confiance là-dedans, c'est aussi la confiance, et je sais qu'on va s'acharner sur lui comme tout le monde, là. Mais le président américain était en train de jouer au golf à ce moment-là et a envoyé aucun tweet par rapport à ça quand il a su que, parce qu'il a été mis au courant. Il a jamais envoyé de tweet pour dire « c'est une fausse alerte, ne vous en faites pas avec ça ». Il a envoyé un paquet de tweets sur les fake news plus tard dans la journée, mais rien sur la situation à Hawaï, à ce que j'ai compris. Tout pour rassurer ses citoyens, quoi. C'était un peu là où ce que je voulais en venir, c'est que on sait plus à quoi on peut avoir confiance, en fait. Puis c'est qu'une des choses, n'en déplaise à nous autres, les États-Unis, ça reste présentement pas mal la puissance en termes de ce qu'on appelle en langage technique le rapport d'effectivité, là. Mais en fait, en termes de gros muscles internationaux, ça reste que les États-Unis, c'est pas mal le shérif international. Ouais. C'est eux autres, la grosse armée ils ont pas gagné une guerre depuis la deuxième, là, mais... Depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais ça reste que... Mais il n'y a pas eu de grosse guerre avec un numéro après. C'est que ça a tout le temps été, après, ça a tout le temps été, tu sais, on parle de la guerre du Vietnam, on parle de différentes choses comme ça, mais c'est qu'en fait, c'était pas des guerres, c'était des opérations militaires, fait que c'est plus dur de... Il n'y a pas de déclaration de guerre en soi, c'était des opérations militaires, ce qui est comme une nuance un peu boboche tant qu'à c'est moi. C'est comme Rogue One versus les vrais Star Wars, ça compte pas vraiment. Non. J'essaie de trouver des guerres. Mais mais c'est ça, tu sais, c'est que c'est des... C'est un peu différent, mais ça reste que... Tu sais, on regarde ce qui s'est passé en Afghanistan, on peut pas dire qu'ils s'en sont sortis si bien que ça. On regarde en Irak, ils ont enlevé le régime Hussein, mais ça a créé, ouais. ça a donné l'espace pour créer l'État islamique. C'est-tu vraiment un si gros win que ça? Bon, différentes choses comme ça, là. Question de donc ça reste, mais ça reste que c'est un peu la ce que je voulais en venir, c'est que ça reste un peu le n'en déplaise à tout le monde, ça reste le pays qui d'une immense marge dépense le plus pour clairement. Son armée, qui a l'armée la mieux équipée, qui a l'armée la plus puissante, on peut dire là. Donc c'est quand même eux autres qui présentement ont le gros bout du bâton, sa politique internationale. Puis, le problème, c'est que tu t'attendrais, puis les États-Unis, eux autres, étaient très fiers de se draper dans ce rôle-là, d'être les défenseurs de la vertu et des valeurs humanistes, et ainsi de suite, partout dans le monde. C'est sur une base de ça qu'ils sont allés en Irak, là, en 2003. C'était d'aller déposer la tyrannie et instaurer la démocratie. Bon, on le sait que c'était assez cynique comme discours, mais ça reste que c'était ça, le discours. Puis il y a différentes autres opérations qu'on est moins au courant, que les États-Unis font. Ben ils vont faire une certaine forme de maintien de la paix à d'autres endroits, dans d'autres parties du globe. Puis différentes choses comme ça, qui est un peu leur espèce de rôle de grand défenseur de la veuve et de l'orphelin. Le grand, tu sais, vraiment là, dans le mythe identitaire américain, tu sais. Ouais. Les États-Unis, de leur rôle à l'international, se voit un peu comme le preux chevalier avec sa grosse épée phallique là, qui se drape dans les valeurs de vertu de son armure étincelante et de tout pour aller défendre la veuve et l'orphelin et envoyer par là. C'est la un peu ça, là, où dans leur cas, eux autres, c'est le gros M16 là, plutôt que la grosse épée, mais on comprend. Donc c'est ça, mais là, puis c'est malheureusement, puis je vais dire malheureusement parce que c'est plate qu'on soit encore à une époque où ce qu'on a besoin en quelque part de ça, mais ça reste que c'est une fonction comme semi-nécessaire dans le monde actuel. Faut qu'il y ait à mener du maintien de la paix qui se fait, puis on n'est pas encore à une époque où ce que, ben tu sais, si le jour que tout le monde décide de brûler leur gun en même temps, il n'y en aura plus besoin d'avoir une armée de même qui... Mais présentement, ils ont quand même un peu cette fonction-là, puis on est un petit peu pognés à se fier sur eux autres pour ça. Puis là, c'est là que c'est important, la confiance, parce que... Le passé, notre affaire aussi, dans les traités internationaux sur différentes choses, sur les questions de torture, sur les... Tu sais, il y a un paquet de traités internationaux comme ça qui tentent d'améliorer la situation de la vie des gens. Tu sais, les traités qui ont interdit la torture, les trucs qui ont interdit les mines antipersonnelles, des choses comme ça. Bien, les États-Unis, par le passé, c'était parmi certains des pionniers. C'était pas tout le temps les premiers à signer ces traités-là, ou même à les proposer. C'était pratiquement jamais eux autres qui les proposaient. Mais on savait qu'une fois qu'eux autres embarquaient dans le traité, bien, c'était rendu difficile de pas le suivre quand les États-Unis ne le suivaient pas. Ouais. Or, là, on a un président américain qui s'est dit en faveur de la torture dans certains cas. Puis on s'entend, là encore, ça a tout le temps été un peu cynique de la part des États-Unis de signer ces trucs-là, parce que, bon, il y a Guantanamo Bay qui est leur gros bypass de « Bon, OK, c'est pas un seul Américain, c'est pas nous autres qui le fait, on peut pas savoir ce qui se passe là, mais on sait très bien ce qui se passe là. C'est une forme de torture quand même, ainsi de suite, mais bon, tu sais, pour différentes choses. Sur les traités les traités là, de réduction de l'empreinte écologique, le traité de Paris, entre autres, le traité de Kyoto, ainsi de suite, le protocole de Kyoto, ces choses-là, quand les États-Unis finissaient par embarquer dans un truc comme ça, si je me rappelle bien, les États-Unis n'ont jamais été dans le protocole de Kyoto, par contre, mais ils avaient fini par signer le traité de Paris sous Obama, ben là, on a un président américain qui est climato-sceptique, donc qui considère que ça sert à rien, puis que c'est faux, puis que c'est... On s'entend, ce qu'il a dit, c'est que les questions écologiques, le réchauffement climatique, c'est un complot des Chinois pour scraper l'économie américaine. Ce qui arrive présentement, puis ça fait un an qu'il y a certains analystes politiques qui le disent, c'est que le problème, c'est que Trump, avec toutes ses prises de position comme ça, internationales, ses politiques internationales, avec généralement, au jour le jour, comment il gère les affaires, son tweetage intempestif, ses insultes personnelles, son anti-intellectualisme, ce qui est en train d'arriver, c'est que oui, ça fait bien plaisir à une frange d'Américains, mais le problème, c'est que c'est en train de peinturer les États-Unis dans le coin. Ben oui, vraiment. Ce que ça veut dire, c'est que ça les marginalise sur la scène internationale. Donc, je parlais de confiance. C'est un peu comme, tu sais, on disait à Hawaii, puis là, c'est vraiment un problème de procédure, puis c'est une erreur bien bête, en fait. Mais ça reste que ça joue sur la confiance des gens. Mm-hmm. Puis c'est ça le problème avec Trump actuellement, c'est que aux États-Unis, c'est une affaire, puis là, il y a le débat interne de « Ouais, mais il faut le laisser parler, c'est quand même le président élu, puis tatatatata, puis mais c'est qu'à un moment donné, ce que des fois même les nuanciers aux États-Unis réalisent pas, c'est à quel point c'est en train d'endommager la réputation des États-Unis à l'international, ce qui est pas nécessairement une bonne chose, parce que malgré tout ça, puis personnellement, je suis pas le plus grand fan des États-Unis, je veux dire, les États-Unis, c'est donc ça coche. C'est pas ça, mais ça reste que dans les dernières années, on avait depuis la Deuxième Guerre mondiale, on avait une forme de... Il y a du monde qui appelait ça la Pax Americana, en référence au terme de la Pax Romana, qui a été l'époque sous l'Empire romain, où ce que il n'y avait plus tellement de guerre parce que l'Empire romain était tellement puissant militairement que plus personne ne s'essayait. Ah oui. Fait que du moment que ça commençait à vouloir brasser, l'armée romaine se pointait, tout le monde était comme « Oh, OK, je m'en occupe, laisse faire. » Ça a été un peu ça pendant une bonne partie du 20e siècle. Je veux dire, ça a maintenu une sorte de paix à l'Occident, dans l'Occident en tout cas, parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ça a été les aboutissements d'une longue suite de guerres entre les pays européens, en fait. Donc, on s'entend, le 20e siècle a été un siècle extrêmement violent, mais ça reste que le 19e siècle, il y a une bonne partie des puissances européennes qui l'ont passé à se faire ça à la gueule quand même. Puis je suis pas le plus grand féru d'histoire non plus, surtout l'histoire contemporaine, mais l'histoire récente, mettons, mais ça reste que la Première Guerre mondiale, c'était le résultat de des alliances qui avaient été faites entre les pays nouvellement constitués, parce qu'on a tendance, là encore, à penser la carte de l'Europe, la carte politique de l'Europe actuelle, on a l'impression que c'est bien vieux puis tout, mais en fait, ça date de la fin du 19e siècle. Il y avait encore des territoires à la fin du 19e siècle qui étaient, ben, on pense à l'Alsace, entre autres, qui appartenait à l'Allemagne pendant une partie du 18e siècle, fin du début du 19e, qui a été réannexé par les Français. En tout cas, il y a toute une histoire-là. Mais, tu sais, au moins les pays occidentaux, entre guillemets, ne se sont plus tapés sur la gueule depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a eu la guerre froide, qui était toute une autre gimmick, entre la Russie puis les Occidentaux, justement, principalement les Américains. Mais c'est ça. Fait que c'était ça un peu qu'on appelait la Pax Americana, qui était pas une aussi vraie grande paix que la Pax Romana, mais quand même, c'est un peu le parallèle. Là, ben, t'es en train de se dire avec les États-Unis qui s'auto-marginalisent comme ça, bon, c'est qui va être ce genre de maintien de la stabilité, mettons? C'est plus ça qu'on devrait dire plutôt que le maintien de la paix, mais le maintien de la stabilité présentement dans le monde, ben, c'est la Chine peut-être qui commence à prendre ça. La Chine qui, bon, c'est un pays extrêmement complexe, c'est un pays énorme, que là, on s'entend, personnellement, j'ai même pas les connaissances pour commencer à en parler, mais ça semble, à l'œil, ça pourrait être probablement les prochaines États-Unis, ça va être la Chine probablement. La Chine, tranquillement pas vite, malgré différentes critiques qu'ils ont par rapport aux droits humains, ça reste tranquillement pas vite, deviennent de plus en plus progressistes, commencent à prendre conscience de leur impact environnemental puis de l'importance que ça peut avoir. Fait que c'est différentes choses comme ça là puis c'est une mauvaise chose que ce soit la Chine qui prenne le dessus. Dans l'absolu, si on le prend globalement, très difficile à dire, mais faut pas oublier que nous, on est le petit frère des États-Unis et du Canada. Fait que donc, si les États-Unis reculent aussi, mais c'est plus ça, encore. C'est ça, ben, c'est sûr que, tu sais, ils se font pas une super belle image à l'international présentement, là, avec tout ce que Trump fait. Fait que ça fait en sorte qu'il y a certains accords et certaines discussions qui sont pas mal plus difficiles à pouvoir aboutir. Puis une des choses aussi, notre politique à nous va jouer avec ça, parce que là, il y a une question aussi de la relation entre Trudeau puis Trump. Personnellement, je suis pas le plus grand fan de Justin Trudeau, mais une des choses qui fait de bien, c'est qu'il a été capable de, malgré ben, lui-même des moves qui étaient plus proches des conservateurs que des libéraux auxquels il appartient depuis qu'il est notre premier ministre. Ça reste qu'il a été capable de garder intacte la réputation, en fait même de ramener l'ancienne réputation de pays progressiste ouvert et plus pacifique, mettons, qu'on avait même peut-être un peu perdu sous l'ère Harper. Mm-hmm. Mais il a au moins été capable de nous garder, revenir un peu à l'idée que le Canada, c'est un peu le bon Jack international. Puis c'est comme, ouais, tu sais, on est le bon Jack qui est chum avec l'espèce de bully un peu, qu'un bully est au... bouillé qu'un bon fond qui est les États-Unis habituellement, malgré le fait que le bon fond, c'est un peu ça, c'est que bon, les États-Unis ont tout le temps été un peu un bouilli, mais au moins c'est un bouilli avec un bon fond. Là, ils ont l'air d'être juste un bouilli présentement. Ouais. Au moins, tu sais, Justin Trudeau là-dessus fait peut-être une bonne job de PR, en tout cas, ouais. Si on s'entend, c'est sa grosse spécialité. Mm-hmm. Ses relations avec Trump, ben dur à dire. Si il n'a pas l'air d'en avoir beaucoup, en fait, non. Mais... on voit qu'il était capable de tenir son bout parlant de quand ils se sont rencontrés pour de vrai. Ouais. Y a certaines affaires que, bon, il y a l'éternelle chicane commerciale du bois d'œuvre canadien que les États-Unis, bon, c'est tout le temps un point. Là, c'est les prochaines négociations de l'ALENA que ça regarde pas super bien parce que c'est là que Justin Trudeau a peut-être plus de misère avec ces affaires-là. Ça va pas être facile. Mais ça va être un gros avoir. Mais là, on n'est plus dans la politique globale. Là, non, c'est ça. De la planète au complet. On est vraiment dans notre petit, nous autres, notre intérêt. Puis c'est qu'il y a quand même une grosse majorité de nos exportations qui sont aux États-Unis puis tout. Fait que si les autres se mettent à mal aller, nous autres, on est dans le chenoute un peu. J'allais dire, si Trump et Trudeau finissent par être vraiment amis, là, tout le monde mérite un nom de couple. Est-ce que ce serait genre Trumpo ou... Trudump. Moi, je nomine Trudump. Ouais, Trudump, si. Trudump. Plus, ouais. Mais je sais pas à quel point ils vont bien s'entendre, simplement parce qu'il y a une chose qui me semble de plus en plus apparente, c'est à quel point Trump a l'air de se désintéresser de son poste, en fait. Mmh. Ouais. On dirait qu'il est de moins en moins actif comme président. T'sais, mettons, vous suivez, là, depuis la fin de l'automne, là, vous regardez un peu, si vous suivez un peu la politique américaine, les gros rebondissements se font plus à Maison-Blanche, ils se font à la Chambre des représentants. Mm-hmm. Ouais. C'est là que ça se passe présentement. Là. C'est sûr qu'ils sont dans une année électorale, eux autres. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que ça brasse plus là. Mais Trump est beaucoup moins... il a parlé encore des travel bans et ces choses-là, mais t'sais, on dirait qu'il est moins actif soudainement. C'est vraiment. C'est peut-être tant mieux pour... tant mieux pour peut-être. Ceux qui sont contre lui. Et moi, ce qui me fait peur, pour revenir à Hawaï et l'alerte de missiles fausse, dans le fond, l'erreur qui a été commise, ce qui me fait peur là-dedans, c'est non seulement que Trump était en train de jouer au golf et n'a pas réagi pour dire aux gens que c'était une fausse alerte, mais que, étant donné qu'il est un gars tellement coup de tête, qu'il aurait peut-être pu, s'il avait pensé que c'était vrai, déclencher quelque chose de son bord aussi. Donc, c'est peut-être pour ça que les gens ont eu peur... Ouais, ben c'est une autre affaire. C'est que même, bon, tu sais, on se rappelle peut-être d'une époque où c'était George Bush qui était le président américain, qu'on avait bien de la misère avec lui aussi. Dans le temps, on se disait ça peut pas être pire que lui. Mm-hmm. Bon, finalement. oui, c'est ça. Pas trop vite. Mais on avait peur des fois de ses réactions à des choses comme ça, de bon, il va encore parce qu'il avait une bonne attitude, va-t'en en guerre, là, Bush. Je veux dire, c'est peut-être de famille, son père ayant déclenché une des grosses guerres américaines, qui n'était pas vraiment une guerre, qui était une opération militaire, en tout cas. Ouais, tu sais, on sait pas, il n'est pas prévisible, il n'y a pas de plan. T'sais, Bush, il y avait un genre de plan, il y avait quand même une idéologie qui était peut-être carrément dévastatrice, mais au moins, il y avait comme une logique derrière ça. Trump, c'est du rien, là. On sait jamais qu'est-ce qu'il va faire après, puis c'est un peu comme si on mettait le Joker à Maison-Blanche. Ah, wow. Puis je trouve que c'est une belle métaphore, le Joker des films de Nolan, là, tu sais, le Heath Ledger, là. Mm-hmm. Tu sais, qui dit, à un moment donné dans le film, il dit « Je suis juste un chien qui court après des autos, je saurais même pas quoi faire avec si j'en attrapais une. » Trump, c'est un peu comme si c'était le Joker qui avait attrapé un auto, finalement. Oui. Il sait pas quoi faire avec. Wow. Il a eu la Maison-Blanche, puis... Ben, il a voulu courir après, c'est ça. Il sait pas... C'est ça, c'est un peu comme s'il l'avait fait en ADR, puis là, ben finalement, ça a marché, puis là, ben OK. Un genre de Tom et Jerry, un genre de Roadrunner et Wally e. Coyote. Ouais, c'est ça, mm-hmm. Tu finis par l'attraper. Puis là, ben, une fois que le Wally Coyote a été capable de tamper le Roadrunner avec l'enclume, il est comme, ben, qu'est-ce que je fais après, tu sais? Mm. Oups. Et il le demande avec une petite pancarte au public à la caméra. Ouais. Ouais. Wow, gros sujet encore. Ouais. Oh, qui aurait pensé qu'on allait passer autant de temps à parler de Trump encore à matin? D'un homme comme ça. J'ai comme l'impression qu'on a une couple d'années d'en parler pas mal encore. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime ça. Ouais. C'est le fun. Ben, ça donne sujet à discussion. C'est ça. Et pour en revenir au début de la chronique, on va enterrer la hache de guerre, ou dans notre cas, le poupe-neige. Eh bien, oui. Fallait être là. Fallait être ouais, là au début de l'émission. On réexpliquera pas ça. Non. Dès 7h le matin, c'est tellement l'affaire. Il y a trop de monde en ondes, on peut pas redire ça. Non, c'est ça. On va garder ça pour la fin de l'émission. C'est quand ça, ouais, non, pas plus. C'est clair maintenant, fait qu'on va être moins glauque. C'est ça. Merci Sébastien Evgertin. Ben, merci à vous. On te retrouve la semaine prochaine avec une autre chronique du bulletin Gertin. Toujours. Malgré le carnaval. Tout va être là. Ah, ouais, ça va crier. Ouais, on s'entend que le carnaval, moi, c'est pas un. Non. On va fermer la porte par contre. C'est ça. Mais, ouais. Sans mieux. On va faire ça, on fait ça tous les jours, de nous aussi fermer la porte. Oui. En cours d'émission. Tout à fait. Bon, merci encore, Sébastien. Ben, merci à vous. À la semaine prochaine. T'as parlé de Joker, t'as parlé de folie. Moi, je dirais presque de Wild Card, comme tu sais pas ce qui s'en vient. Wild Card, c'est ça, pas mal. Donc, on écoute Wild Card de Cold Specs à Assemblage Requis. Can the woman play the mouth? I played so long, so long. From the hopes I let them roll, I waited too long, too long. Come up and suddenly say no more, no more. I'll be there for you. Don't know. Yeah. Gold Specs avec Wild Card. Toujours à son âge, OK, on prend une petite pause et on revient avec pas mal plus d'émissions. Ben oui, certainement. Ben juste une émission. Mais juste une émission, mais pas mal plus de sujets. C'est ça. Aujourd'hui. C'est fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Assemblage requis, accompagné de nul autre que Mathieu Plante. Et l'incroyable Tania Baudin. C'est si gentil. Oui, une chance qu'elle est là, cette Tania Baudin. On va faire un autre petit bloc, notre classique petit bloc du mercredi, après oui. Sébastien Vigartin, celui qui dure pas trop longtemps. Hein. Celui dans lequel on a tendance à mettre notre petit bloc à thématique des palmarès, c'est si fou. C'est le moment donc d'aller rendre visite à nos extrêmement négligés palmarès C'est fou. Et aujourd'hui, on retourne dans le passé avec notre bloc nostalgique C'était fou. Donc des pièces qui proviennent d'une semaine dans l'histoire de cette station. Et cette fois-ci, ben, pour le 20e anniversaire de C'est fou, qui était à l'automne, ouais. Pas mal. Ça, ouais. C'est pas ouais. mal fini. On est comme... Ouais. Ouais. Ouais. Est-ce que tu fais une célébration d'un an, toi? Pas vraiment. Pas vraiment moi non plus, ça vaut-tu vraiment? Mais on est dans notre 20e année. Oui, 20e année d'existence, voilà. Donc, pour ce 20e anniversaire susmentionné, on était rendu à l'année 2006, donc on visite une année à la fois, à chaque fois qu'on fait ces chroniques-là. On est rendu en 2006. Alors voici les numéros 1 francophones et anglophones dans le bloc C'était fou. C'était le bloc C'était fou pour l'année 2006. À Assemblage Requis, donc on a entendu au numéro 1 francophone Caféine avec Gisèle sur l'album Gisèle. Gisèle. Et en numéro 1 anglophone, c'était Wolf Mother avec Woman sur l'album A Wolf Mother. Tu vois, il y en a un qui a choisi le nom de la pièce comme nom d'album, oui. L'autre a choisi le nom du groupe comme nom d'album. En effet. Faire différent. Donc, les numéro 1 de l'année 2006, voilà, pour célébrer les 20 ans de C'est fou. La prochaine fois, on fera l'année 2007. Tiens. Ben oui, pourquoi pas? Pas pire, ça. On avance dans le temps. Quelle bonne idée. Je l'avais dit que c'était un petit bloc, ce bloc-ci. Donc, on prend une pause et au retour, Tania? Oui. Est-ce que t'as les mains gelées? J'ai vraiment les mains gelées. Ouais, hein? Je comprends vraiment pas pourquoi. Il fait comme 21 dans le studio, mais je suis congelée comme une grotte. T'as ton foulard. Mets ton foulard autour de tes mains. Ouais, je vais faire ça. De quoi tu nous parles, Antonia? Je vais t'entretenir à tantôt. Je vous parle de nourriture, mais surtout le lien entre notre humeur et la nourriture qu'on peut manger. Intéressant, comme toujours. On l'espère. C'est au retour. Aujourd'hui. C'est fou, 89.1 FM. Assemblage anti pour toi aujourd'hui. Ça va te réchauffer les mains. Ouais, tu sais, je me suis dit. Danse sur la chanson tête, danse, Tania, danse. D'accord. Deuxième heure d'Assemblage Requis pour ce mercredi 17 janvier 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques. C'est Mathieu Plante. C'est ça. Tania, c'est Tania. Mais avant ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu cette pièce de Chérie, Chérie. Chérie, Chérie. Voici Tragédie en Tuxedo. À Assemblage Requis. Tragédie en toxedo de Cherry Sherry. Ah, son âge requis, oui. Maintenant, c'est Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain you. On parle de nourriture, d'alimentation aujourd'hui. Ok, oui, on parle de bien-être encore une fois. On se rappelle, oui. Hier, j'ai parlé un petit peu de ce que ça pouvait faire de tout simplement participer au défi 28 jours qui va avoir lieu dans une quinzaine de jours. Mm-hmm. Sur le corps ou sur la mentalité de quelqu'un qui s'entraîne régulièrement ou quelqu'un qui ne s'entraîne pas. On reste quand même dans le domaine du bien-être, dans c'est le domaine de la santé. C'est la thématique de 2018, la santé, je pense. Ben, pas mal, ouais. Je te dirais, mais... Probablement plus de la semaine que de 2018. En tout cas, mes recherches cette semaine m'ont permis de trouver une coupe de chronique. Ouais. Je me suis dit, on va y aller avec une semaine santé et bien-être. C'est tiens. Ça. Et aujourd'hui, je vous parle justement de santé, de bien-être, mais surtout de votre humeur. Parce que apparemment que notre humeur serait directement liée avec la nourriture qu'on ingurge. Eh ben. C'est ça, hein? Ingurger? Qu'on mange. Qu'on mange. C'est ça. Qu'on met dans notre dedans. C'est ça. On ingurgite. Ingurgite? Oui, parce qu'on ingurgite et on régurgite. C'est et voilà. Ça! Donc, les troubles de l'humeur, c'est pas très, très rare. On en a vraiment une panoplie. Et les origines peuvent être quand même assez multiples, mais il y a quand même un lien entre l'alimentation et l'humour, et c'est très, très clair. L'humeur. L'humeur. J'ai dit l'humour, hein? L'humeur. Donc, les troubles de l'humeur sont directement reliés, en fait, aux carences nutritionnelles et notre façon de nous alimenter, mais de nous hydrater aussi au quotidien. Les troubles de l'humus aussi, je pense. De l'humus. Ben, si tu manges de l'humus, peut-être que tu vas être heureux. Notre humeur dépend donc de la nourriture qu'on va manger de façon régulière. Donc, la pratique qui se fait quand même assez régulièrement sur une semaine, donc 2 à 3 fois par semaine, par exemple. Et ce qu'on doit manger va changer au fur et à mesure qu'on va vieillir. Chose qu'on pourrait, à certains moments, oublier ou tout simplement ignorer. Mm-hmm. Ça fait en sorte que ça joue quand même une grosse... Ça joue une grosse game sur la façon dont on va se sentir, OK? Le vocabulaire. On va y arriver. Donc, c'est une étude qui a été faite du côté de New York à l'Université de Binghamton et ça a été publié en décembre dernier dans la revue Nutritional Neuroscience. C'est une étude qui souligne que l'alimentation et les pratiques alimentaires, donc la fréquence à laquelle on va s'alimenter, affectent différemment la santé mentale chez les jeunes adultes par rapport aux adultes qui sont plus âgés. Et là, quand je veux dire jeunes adultes, je parle par exemple de la milieu de l'adolescence, donc autour de 15-16 ans, jusqu'à devenir 25 et par la suite un adulte plus âgé, bien c'est 25 en montant. Vous comprendrez mmh. tout ça. Et les adolescents, les jeunes adultes et les adultes matures ont besoin de nourriture différente pour améliorer la santé mentale des gens. L'alimentation et l'humeur, c'est relié. Là. On peut plus dire que c'est pas relié. Ouais. Exactement, on peut pas se mettre dans le déni. Si vous vivez dans le déni, bien tant mieux pour vous. Peut-être que vous filez pas bien, mais peut-être est-ce que vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui et vous allez peut-être améliorer votre alimentation considérant votre santé mentale. On sait vous pas. Dit d'écouter si vous arrivez au bureau, peu importe, restez dans la voiture. Exactement. Donc, pour obtenir les résultats de cette étude-là, les chercheurs y ont été de façon anonyme sur Internet. On a décidé de demander aux gens du monde entier, donc sur les réseaux sociaux, de remplir un questionnaire qui était nommé Food Mood. C'était un questionnaire qui était associé à des données de neurochimie et de neurobiologie. On a analysé par la suite, évidemment, les données qu'on a recueillies et on a trouvé que l'humeur chez les jeunes adultes qui sont âgés de 18 à 29 ans dépend beaucoup de la nourriture. L'alimentation va augmenter, en fait, la disponibilité de certains neurotransmetteurs et des concentrations qu'on a dans le cerveau. Par contre, chez les adultes qui sont beaucoup plus matures, donc 30, 40, 50 ans, l'humeur va dépendre beaucoup plus des aliments qui vont augmenter la disponibilité d'antioxydants. Donc, on va parler, par exemple, de fruits ou d'aliments qui vont augmenter la disponibilité ou l'abstinence qui active de manière inappropriée le système nerveux sympathique. Donc, si on prend ça et on le décortique dans des mots qu'on comprend, s'il te plaît, ça vous stresse. Ah. C'est des aliments qui vont vous stresser. On parle de café, on parle d'indice glycémique élevé. Ah, et on parle... bon indice glycémique élevé, j'en parle ben, à chaque des jus, matin. Mettons. et on parle de petit déjeuner qui n'est pas nécessairement santé. Mm-hmm. Donc, l'autre jour, tu nous parlais de gaufres congelées. Oui. Ça peut rentrer dans cette catégorie-là. C'est bon, ça? Fait en sorte... bon. Ça fait en sorte que ça joue un grand acteur sur votre santé mentale ou votre humeur mentale. T'es en train de me dire que quand je me fais un smoothie et que je mets du sirop d'érable, c'est tellement bon. Non, le sirop d'érable, c'est naturel. Ah ouais? Moi, je te parle d'aliments chimiques modifiés ou d'aliments qui, à la base, sont créés pour te stresser. Ouais. La caféine, mm-hmm. c'est quelque chose qui est fait pour te réveiller. C'est quelque chose qui est fait pour t'activer. Donc, de ce côté-là... Anne-Marie Wittenshaw aussi. C'est stressant. Ouais, c'est stressant. Ça m'a rappelé ça, food mood puis good food. Ah ouais, Anne-Marie, ouais, OK. C'est stressant. Mon Dieu. On en est venu à certaines conclusions par la suite avec cette étude-là. Comme par exemple, le régime alimentaire et les pratiques alimentaires affectent différemment la santé mentale chez les jeunes adultes par rapport aux adultes qui ont un âge beaucoup plus âgé. Un autre résultat notable a été que l'humeur des jeunes adultes, c'est quand même sensible en fait à l'accumulation de substances chimiques cérébrales, comme on le disait tout à l'heure, et la consommation régulière de viande entraîne l'accumulation de deux substances chimiques qui sont la sérotonine et la dopamine. C'est connu pour favoriser l'humeur, bien évidemment. Autrement dit, les jeunes adultes qui mangent de la viande rouge ou de la viande blanche moins de 3 fois par semaine et s'exercent moins de 3 fois par semaine aussi, donc ils font pas d'exercice souvent. Hein? Mm-hmm. On va en faire une fois par mois, mettons. Là. Bien, on présente une détresse mentale importante. Inversement, si on regarde l'humeur d'un adulte mature qui semble être beaucoup plus sensible à la consommation régulière de sources d'antioxydants, aussi à l'abstinence de nourriture qui active de façon inappropriée la réaction innée chez l'être humain, donc comme on le disait tout à l'heure, le café, quelqu'un qui va modérer sa consommation de café, on peut appeler aussi ce type d'aliment-là une réponse du stress et de la physiologie de défense, c'est-à-dire... se défendre face à la fatigue et réponse du stress, bien on s'entend, si vous buvez 12 cafés par jour, ça se peut qu'à la fin de la journée, vous shakez un petit peu. Même nous, on fait pas ça. C'est ça, et que vous vous sentiez un petit peu irrité, tu sais, ça, c'est possible. Donc, avec le vieillissement, il y a quand même une augmentation de la formation d'oxydants. Donc, notre besoin d'antioxydants augmente beaucoup. Et il y a des radicaux libres qui provoquent des perturbations dans le cerveau, ce qui augmente le risque de détresse mentale. On a aussi réussi à regarder la différence entre le jeune âge, l'âge mature, mais les ressemblances aussi. Donc, notre capacité à réguler le stress diminue. Et selon les chercheurs de cette étude-là, si on consomme des aliments qui activent la réponse au stress, par exemple comme le café ou beaucoup trop de glucides, bien, on va devenir de plus en plus susceptible de souffrir de détresse mentale. Sachez-le. Les chercheurs... sont intéressés à comparer, en fait, l'apport alimentaire entre les femmes et les hommes en relation avec la détresse mentale. Il existe une différence entre les sexes dans la morphologie du cerveau. Ça, c'est quelque chose que les chercheurs connaissent. C'est quelque chose que les médecins aussi connaissent. Ce qui peut également rendre sensible aux composantes alimentaires. Si votre cerveau d'homme est différent versus un cerveau de femme, bien probablement qu'il réagit différemment face à certains aliments à la base. Peu importe votre âge, c'est ça qu'on veut dire. Ça va être pas mal plus selon le sexe que ça pourrait changer quelque chose. Donc, on pourrait expliquer le risque de détresse psychologique, mais de façon spécifique en fonction de notre sexe et de notre âge. Ça fait en sorte que notre alimentation pourrait jouer un grand enjeu sur comment on se sent dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est quand même assez important, mais pour certains, peut-être est-ce que ça va amener un changement au niveau de l'alimentation qu'on a déjà et ça va peut-être vous faire mieux sentir de tout simplement changer quelques trucs dans votre alimentation quotidienne. Mathieu, est-ce que tu connais le bon vieux terme « craving » Oui, avoir une envie. Exactement. Une envie alimentaire. Bien, c'est profondément lié aux émotions, sachez-le. Ça, c'est pas surprenant du tout. Donc, les plus courants, en fait, on les connaît souvent, là, c'est une envie de sucré, une envie de fromage ou de produits laitiers en tant que tel. Ah oui. Ah. Oui, une envie de gras, tu sais, quand on parle de fast-food, mm-hmm. une envie de salé. Une envie de croquant, mais aussi une envie de breuvage. Okay. On a aussi l'envie de nourriture épicée à certains moments. Bien, en premier lieu, il faut comprendre que tout ça, c'est relié à certaines choses de votre vie et on peut avoir quelques conseils. Donc, lorsque votre envie, votre craving se présente à votre porte... On parle pas de horny. Non, non, non, non. On parle de craving de nourriture. Mm. Donc, quand ça se présente à votre porte et que là, vous vous dites « Oh my God, I'm craving some cheese. Mm-hmm. » Bien, ce qu'on vous donne comme conseil, c'est de prendre une pause de 20 minutes. Okay. On va utiliser un chronomètre, une montre ou encore un téléphone et vous allez faire autre chose. Donc, vous allez, par exemple, marcher ou vous allez faire du ménage, mais surtout, allez pas dans la cuisine. Ben non. Vous allez éviter votre cuisine, OK? Ou au dépanneur. Il faut, ouais, c'est ça, ou au dépanneur. Il faut que vous soyez strict avec vous-même et il faut éviter de penser à cette fameuse envie-là. Il faut bien évidemment écouter votre corps, donc il va vous dire ce qu'il a besoin et l'envie va partir d'elle-même. Cette envie-là pronovo qu'on appelle... Oh mon Dieu. Par la suite, utilisez l'imagerie mentale comme diversion. Les envies, les fameux cravings, ça prend beaucoup de place de façon cognitive et ça rend quand même assez, ça rend la concentration assez difficile sur autre chose. Donc, par exemple, vous êtes en cours ou vous êtes au travail et là, vous êtes en train d'avoir une envie incroyable. Il y a de fortes chances que vous ayez de la difficulté à vous concentrer sur ce que vous étiez déjà en train de faire. Tu lèves la main, tu dis au prof, j'ai envie. C'est ça, plus tu t'en vas au dépanneur. C'est ça. Il faut que vous pensiez à une image de la nature. Ça va pouvoir vous distraire assez longtemps pour justement changer votre envie de nourriture. Ah, la nature? Oui, pensez à la nature, apparemment. Pas des chips nature. Non, non, pas des chips nature, mais vraiment la nature. Donc, ça peut être un paysage d'hiver, ouais. Comme ça peut être un paysage d'été, de printemps, d'automne, peu importe. Les feuilles qui tombent. Il faut tout simplement penser à la nature et apparemment que de façon cognitive, eh bien, votre envie va disparaître petit à petit. Il faut purifier votre bouche aussi à ce moment-là. C'est un peu, là. C'est un conseil, okay? Biotène, c'est ça? C'est un conseil, c'est pas obligatoire, sachez-le. Vous ferez-tu quelqu'un? Non. Avec un thé à la menthe ou encore aux herbes. Ou brossez-vous les dents. Ah, OK. Le changement de goût dans votre bouche, ça va vous purifier la bouche et ça va vous faire penser et passer l'envie. Donc, vous n'aurez plus cette espèce de craving-là de manger, par exemple, de la fast-food si vous venez de vous brosser les dents. Wow! Et aussi le fait que c'est vraiment dégueulasse avec du jus d'orange. Exactement. Du jus d'orange. Il faut commencer à s'aimer aussi, à prendre soin de nous. Donc, vous pouvez, en toute honnêteté, vous faire un automassage ou prendre un bain chaud. Mm. Ça va tout simplement changer votre mal de place, ouais. entre guillemets. En fait, c'est que vous allez penser à autre chose, vous allez penser à votre bien-être avant de penser à votre estomac. Et c'est souvent ça qui va faire en sorte qu'on va avoir une pensée différente. Mm. Pour l'envie de sucrer, bien, c'est parce qu'en fait, c'est vu comme quelque chose de réconfortant. Oui, ben oui. C'est vu comme quelque chose de sécurisant, mais aussi d'apaisant. Donc, à ce moment-là, il faut être conscient des incidents qu'on a eus dans l'enfance au moment où vous vous êtes récompensé par des sucreries. Ouais. Donc, si, par exemple, vous mangez toute votre assiette, puis à ce moment-là, vous aviez le droit de manger du sucre, bien, c'est possiblement ce qui vous reste en tête. Les psychologues, il faut tout le temps que ça ramène ça à l'enfance. Hein? Ça peut pas être juste, c'est réconfortant le chocolat parce que c'est bon, Colin. Mais c'est réconfortant parce que tu trouvais ça bon quand t'étais jeune. Ouais, mais tu trouves ça encore bon aujourd'hui? C'est quoi? Pourquoi est-ce que c'est tout le temps nostalgique? Ah! Ça peut aider, en fait, à reconnaître la connexion entre deux personnes. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a marqué votre vie en partageant quelque chose au chocolat, comme un chocolat chaud, une fondue au chocolat, quelque chose. Donc, ça relie les gens aussi. Et il faut découvrir l'origine de notre envie. C'est pour ça. Oh ouais, je comprends l'argument. Je suis pas tout à fait sûr. Tu sais, c'est comme dire, ah, je sais pas, t'aimes les chats parce que t'aimais les chats quand t'étais jeune. j'aime les chats. Ben, t'aimes les chats pour une raison. Ben oui, mais c'est pas obligé d'être parce que c'est ça, quand exactement. T'étais jeune. Ah, sans tout cas. Tu vois, tout est relié ben à ça. Ouais, la psychologie. Mais bon, si on crave du chocolat, là, on a envie de chocolat, bien c'est lié aux besoins non comblés en amour. Sachez-le, OK? OK. Donc. Bon, tu m'as officiellement perdu. Pour substituer l'envie du chocolat, il faudrait prendre quelques secondes en fait, tout simplement pour sentir des grains de café frais. Ça va casser la donne, OK? Okay. C'est de la pyrazine. C'est un composé chimique qui est contenu dans l'odeur du café. Et ça vient automatiquement affecter notre cerveau, qui est en fait le centre du plaisir. Et l'odeur du chocolat, ça, ça amène le même pointillement au niveau du cerveau. Donc, si vous décidez de ne pas manger de chocolat, vous faites une cure de chocolat, mesdames, ouais, messieurs, traînez-vous des grains de café. Ça va avoir le même effet sur votre cerveau et le cerveau va être déjoué au niveau de penser que vous êtes en train de manger du chocolat. Mais vous allez tout simplement être en train de sniffer du café. OK. Fait que si tu veux du chocolat, faut que tu sentes du café. Oui. Parce que t'es en manque d'amour. C'est ça. Fait que si tu sens une fille, tu peux avoir envie de café, puis il va falloir que tu manges du chocolat pour aller là, c'est ça? Oh mon Dieu, tu fais tellement des liens qui ont pas rapport. Moi, pas rapport, voyons. Ah! Mathieu, est-ce que ça t'arrive d'avoir envie de fromage? Tu sais, là, t'es comme... Les deux, on est intolérants, ouais, au lactose, mais... C'est bon, ce fromage. Mais il y a des moments où t'es comme, oh my God, un bloc de fromage. C'est rare que je mange seulement du fromage. Ah ouais? Mais tu sais, mettons pizza, poutine, c'est sûr, ouais, que ça va me tenter. Okay. Juste du fromage, moins. Bien, apparemment que lorsqu'on veut du fromage, c'est parce que dans la même journée, on a été fâché ou on a été tendu, on a été stressé, okay, à ce niveau-là. Donc, il faut noter les effets négatifs, bien évidemment, que les produits laitiers vont avoir après la consommation, entre autres une heure, quelques heures, le lendemain. Et pour les gens qui sont intolérants au lactose, pensez à des lactaïdes! Oui, super! Okay? Il faut noter aussi les effets positifs quand on n'en mange pas. Il faut, faut prendre en considération que les produits laitiers, c'est gras. Ouais. Exactement. On ne peut pas passer à côté de ça. Et il faut se nourrir avec des aliments frais, comme par exemple des bananes ou des avocats. Ah. Parce que ça va aller chercher un petit peu la même texture à un certain moment qu'un produit laitier. Il faut manger des légumes verts pour avoir plus de nutriments possibles. Et à ce moment-là, apparemment que notre envie de fromage ou de produits laitiers pourrait partir. Ça me surprend qu'ils ne parlent pas de sous-catégories comme, tu sais, genre, si tu craves du fromage suisse parce que t'as un trou dans ta vie. Ou bien, genre, si tu veux du haut cost parce que t'as eu une crise, ouais, par rapport aux, t'sais, aux autochtones. Non, malheureusement, non. Il faut aussi, on pourrait en fait arriver à faire une transition de 100 produits laitiers. Par exemple, remplacer notre lait par du lait d'amande ou du lait de coco. Déjà, à la base, ça va être beaucoup moins gras et on va pouvoir se permettre d'avoir plus de craving de produits laitiers à ce moment-là. Si t'as un craving de lait, c'est parce que ta mère, c'est une vache. Mathieu! Non, je sais pas, là! Non! J'essaie de voir la psychologie non. derrière ça. Non, il n'y a pas de psychologie derrière ça, s'il te plaît. Le fast-food. Oui. Je pense que c'est la chose que la plupart des gens ont crave, à part le chocolat, bien évidemment. Faut pas que tu m'en parles, sinon là, je vais avoir un craving de ça. Ça pourrait être lié à votre insécurité ou à votre stress. Donc, en période d'examen, là... Oui. Regardez les étudiants autour de vous ou lorsque vous êtes en grande période de stress, vous savez pas trop ce qui se passe, le temps des fêtes, pour certains, c'est une grande période de stress, une grande période d'insécurité. Les gens vont manger pas mal plus de fast-food. T'as raison. Bien, il faut se connecter avec les gens qui ont les mêmes intérêts dans un environnement sain. Il faut McDonald's. Aussi... oui, c'est ça, exactement. En fait, il faut se concentrer sur la préparation de repas santé et manger beaucoup plus lentement. Ah oui, c'est bon ça. Ça va faire en sorte que vous allez être dans le moment présent, mm-hmm, et votre cerveau ne comprendra pas que vous voulez encore du fast-food. Savourer. Exactement, savourer. Être... Tu l'as. Je sais pas. Tu l'as. C'est incroyable. Dis-moi quelque chose que je sais pas. Bien, le salé, le croquant. Mm-hmm. Tu sais, on se dit des fois, j'ai goût de chip. Oui. C'est parce que t'as le goût de croquant. Et de salé. Et de salé. Bien, c'est lié à la frustration, à la colère. Et si c'est mou ou crémeux. C'est mou, okay, ben, oui, tu sais, du caramel salé, mettons, ouais, ça peut être... C'est mou, tu sais, c'est crémeux. Bien, ça peut être lié à la peur ou encore à la honte, wow, de quelque chose qui s'est passé durant votre journée. Il faut garder à la portée de main des crudités qu'on peut utiliser comme défouloir contre les frustrations. Yeah, des crudités! Et il faut arriver à faire de l'exercice. En fait, ça va vous aider à vous défouler. Ça va diminuer la colère, ça va diminuer le stress, ça va diminuer la frustration, bien évidemment. Ce sont des choses qu'on connaît depuis longtemps. Et il faut être conscient de ce qui cause le stress ou la colère dans notre vie. Donc, il faut se poser les questions. Les cravings, c'est relié à l'humeur, mais c'est aussi relié à vous poser certaines questions par rapport à vous. Et est-ce que vous êtes fâché par rapport à une personne? Est-ce que vous êtes fâché par rapport à une chose en tant que telle? Pensez comment gérer vos problèmes sans utiliser la nourriture. Et à ce moment-là, vous pourriez avoir, par exemple, un petit moment où vous allez vous sentir mieux par rapport à votre craving. Moi, c'est rare, très, très rare que ça m'arrive de vouloir manger épicé. Ou que je crave quelque chose d'épicé. J'avoue, c'est bon quand on le mange, mais c'est rare qu'on a l'envie de ça. Exactement. Mais apparemment que ça arrive chez beaucoup de gens et ça serait relié à une vie mondaine ou beaucoup trop routinière. Ah, OK. Donc, les aliments épicés, ça sert d'anesthésique et c'est un stimulant extérieur pour exprimer nos sentiments. Donc, quand on a une vie trop routinière, c'est peut-être qu'on est un petit peu tanné de cette vie-là. On met du piquant dans notre vie, mm-hmm. et c'est là que le craving va commencer au niveau des épices. Donc, il faut exprimer nos sentiments dans toutes les sphères de notre vie, sachez-le, apparemment. Et il faut être honnête avec les autres et avec nous-mêmes, OK? Il faut trouver des façons de bouger librement et spontanées. Ça aide l'énergie à circuler. Ça va enlever les blocages émotionnels et mentaux. Peut-être que vous allez pleurer toute seule en petite boule dans votre salon. Ouais, et il y a d'autres sortes de blocages qui vont sortir aussi quand tu manges épicé, tu sais. Oui, ben oui, exactement. Il faut prendre le temps, en fait, à ce moment-là, d'écrire ce qu'on veut accomplir. Parce que si c'est relié à une vie trop routinière, c'est qu'on est peut-être tanné de tout le temps faire la même chose. Donc, on veut accomplir quelque chose d'autre. Il faut se l'écrire. Il faut écrire quelques étapes aussi pour lesquelles on pourrait exécuter ou le but qu'on veut atteindre, les objectifs qu'on a. Donc, allez-y de ce côté-là. Mais je pense que les épices, c'est le craving le moins dangereux, entre guillemets, pour la santé. C'est sûr que si vous en mettez pas mal, ça peut être brûlement d'estomac. Il faut faire attention. Mais si, par exemple, vous dites, hey, à soir, je mange des tacos, puis je pense me mettre des jalapenos dedans. Honnêtement, je vois pas comment ça pourrait être aussi néfaste que le chocolat ou les produits laitiers pendant une semaine. Okay. Donc, à ce niveau-là, sachez que tout ce que vous mangez est relié à comment vous vous sentez, mais aussi à votre santé mentale. Il faut faire attention à notre santé mentale en mangeant. Mmh. Ça ressemble vraiment genre à l'explication des rêves. Moi, c'est genre, on dit que ça a un lien, mais tu sais, je trouve que ça ressemble plus à de la psychopop. Ben non, pas vraiment, parce que si tu réfléchis à ce que tu manges, tu réfléchis à pourquoi tu veux le manger. Tu penses? Ben, en tout cas, je dois pas être la seule qui fait ça. Moi? Toi, quand tu manges, là, tu penses pas pantoute. J'ai envie de manger ça. Ouais, mais tu poses pas la question du pourquoi tu as envie de manger ça? Pas besoin de savoir. Ah, OK, c'est ça, c'est que tu vis dans le regret. Ouais, tu vis dans le déni, en fait, Mathieu. Tu ne veux pas savoir pourquoi tu as envie de manger ça. C'est connu, ça. Ouais. Je pense qu'il y a certaines habitudes aussi. Tu sais, si au Québec, on regarde ça comme ça, bien, si on crave du fast-food, la plupart du temps, ça va être une poutine. Mm-hmm. Mais c'est parce que c'est inculqué dans notre culture de manger une poutine, par exemple, une fois par je sais pas quand. Mais si ça fait déjà 3 mois que tu t'es dit « je mange pas de poutine », ça se peut qu'à un moment donné... T'as le goût de manger une poutine, là. Ça fait partie et tu sais laquelle, du quotidien québécois. C'est de où t'as vu, ta exactement. Poutine. C'est rare qu'on va, par exemple, craver la cabane à sucre. Pourtant, ça fait partie de notre culture. Oh, ça m'arrive. Mais ce sont des glucides, oui. C'est des sucres. C'est une énergie quelconque qui... Ça m'arrive souvent, mettons... Les oreilles de Christ, il n'y a pas personne là, qui crave ça. Pas vraiment. En tout cas, pas moi. Mais j'ai tendance à vouloir quelque chose quand je le vois. Oui. Je suis un petit peu influençable là-dessus. C'est comme ça. Là, la cabane à sucre, bon, dans les épiceries, ça va venir, là, les réfrigérateurs de produits. Ça va être rempli de sirop d'érable partout. Je vais en vouloir. Ouais. Ça? Mais, prochain coup, comme ce midi, quand tu vas regarder le menu, pose-toi la question avec ce que tu vas avoir envie de manger. Pourquoi est-ce que j'ai envie de manger ça? Ben souvent, je vais me dire, OK, il faut que je sois sage aujourd'hui. Tu vois, t'as déjà une idée. Oui. T'as déjà une idée. Mais ça n'a pas rapport avec ma frustration ou mon stress. C'est juste je veux essayer au moins de pas trop mal manger. Mais c'est parce que t'es peut-être stressé de tout le temps mal manger. Peut-être. Hein? Tu devrais aller en psychologie, t'es bonne pour bullshitter. Hey, c'est pas gentil ce Mathieu. Non, c'est Anna. Ben non, là, je pense qu'il faut à un certain moment se poser la question, est-ce que ma nourriture, est-ce que ma consommation d'aliments change quelque chose dans ma vie? Et si on réalise que oui, c'est à ce moment-là qu'on va accepter en fait de faire des changements. Donc à ce niveau-là, ça peut juste être bénéfique pour vous de vous poser des questions. Non, je suis d'accord avec toi que vouloir mal manger, c'est pour manger tes émotions. Ça, je suis d'accord exactement. Que le grand principe de la chose, c'est de sous-diviser en catégories et le fromage, c'est parce que ça... C'est plus sûr que ça peut différencier aussi. Ce sont des grandes lignes. C'est les questions qui ont été posées. Probablement qu'on a pris la majorité des gens qui répondaient que c'était relié à ça. Ouais. Et on en a fait une moyenne, tu sais. Sauf que si t'as le goût de manger du fromage parce que ça accompagne bien ton spaghetti, ça accompagne bien ton spaghetti, tu sais. Ben oui. On s'entend, il faut pas c'est pas parce à chaque que ça... moment que tu vas manger quelque chose, mais on parle vraiment de craving. Ouais. Là, quand t'as juste le goût de manger ça. Il y a des gens qui ont des cravings extrêmement différents d'une seconde à l'autre. Hein? Ouais. Moi, j'ai une amie qui peut craver des sushis pendant une seconde, puis 5 minutes après, elle va vouloir une poutine de façon incroyable. Moi, je peux comprendre ça. Ouais. Mais c'est des cravings qui sont très, très différents. Donc, à ce moment-là, tu te dis, tu sais-tu ce que tu veux? peut-être que dans la vie, elles avaient de la difficulté à prendre des décisions. Ça, ça marche, je pense. Ça, voilà. J'y crois. Bon, c'était le fun de parler avec toi. Oui, oui, moi aussi, j'ai trouvé. Merci, Tania Baudin. Fait plaisir. Tania is gonna entertain tous les matins, assemblage requis. T'as parlé tantôt qu'il fallait penser à la météo. Oui. Pour se calmer un petit peu. Oui. Pour parler de ça. Oui, oui, certainement, à la nature. À la nature. Donc, écoutons et regardons Fallen Leaves. Oui. Par The Deep Dark Woods. Assemblage requis. La pièce Fallen Leaves par The Deep Dark Woods à l'émission matinale en pièces détachées, assemblage requis. On prend une pause au retour, on va parler de marketing. Oui. Dans le segment Le Bloc Pub. Ah, j'aime ça. Ah oui, ça fait vraiment longtemps. Mm-hmm. Restez là. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fous. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Toujours dans l'émission Assemblage Serge Lecky, accompagné de Mathieu Plante. Et Nathalie Baudin. On est encore ensemble pour une bonne heure et demie, Mathieu. Minimum. Minimum. Minimum. Et le reste de la semaine, après ça, le reste oui, du mois. Exactement. Et les 100 prochains jours jusqu'à la fin de la saison. Oh oui, tout à fait. maintenant, tiens, on va parler de marketing un petit peu. Hein. On aime ça trouver des slogans, des fois, oui, des choses. Donc, on appelle ça le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Je préfère le gouda. I love you and I kiss you. 4,99 la minute. C'est le bloc pub où on parle de marketing, de tout ce qui est là pour vous faire acheter des choses, en fait, vous convaincre d'aimer un produit ou un endroit. Hein. On commence dans une pharmacie aux États-Unis, CVS, en fait, qui va arrêter de transformer les images de ses top modèles en magasin et en ligne. Et il prévoit aussi être plus transparent par rapport à quand les autres marques modifie les photos des top modèles par Photoshop, tu comprends? Oui. Donc, on voit sur la photo sur assemblagerequis.com l'avant-après. Dorénavant, les filles, les femmes, les hommes vont ressembler pas mal plus à la réalité dans les CVS. C'est donc CVS Health qui a annoncé ce plan assez énorme quand même. Les produits des autres marques vont aussi faire partie de l'initiative. C'est leur plan donc d'être radicalement plus transparent par rapport au marketing de la beauté, disent-ils chez CVS. Ils ont travaillé avec Endeavor Global Marketing, donc une agence de marketing culturel à l'intérieur du réseau Endeavor sur ce projet-là. Les images de d'autres marques qui n'ont pas été modifiées numériquement vont avoir CVS Beauty Mark en quelque part décrit, pas décrit, mais c'est un logo sur l'image. Et celles qui ont été modifiées n'auront pas l'image. Donc un peu comme les chaînes de nouvelles qui disent quand elles sont en direct, mais disent pas quand c'est une reprise. Ça va être le même principe. Donc, s'il n'y a rien, ça veut dire que ça a été modifié. Mais s'il y a l'icône, ça veut dire que ça n'a pas été modifié. Ça pourrait être le contraire, je trouve. Ça devrait être... Le logo devrait être quand ça a été modifié. Et okay, pas d'icône, ouais, c'est pas modifié. Moi, je trouve que ça aurait plus de sens. Ouais. Mais ils veulent commencer par le commencement, donc il va y avoir une icône quand ça va être non modifié. Tu comprends? OK, je comprends. Moi, je trouve que ça devrait être le contraire. C'est ce que je voulais exprimer de façon maladroite. Donc voilà, chez CVS aux États-Unis. Ensuite, pourquoi David et Goliath ont construit un site web qui dure 9 miles de long? Donc ça s'appelle... ça veut dire que tu scrolles pendant 5 heures, finalement. Et c'est un hommage aux enfants de Sierra Leone. Donc, marcher 9 miles pour aller à l'école chaque jour, c'est cet enfer-là que vivent les enfants. Donc, qui doivent contourner des méchants serpents, de la chaleur incroyable, des moustiques qui possèdent le malaria, éviter le trafic humain sur le chemin. Donc, c'est la routine quotidienne de plusieurs enfants au Sierra Leone. La nation de l'Afrique de l'Ouest qui est en besoin, donc en grand besoin d'école, ce qui force les enfants, surtout dans les endroits ruraux, de marcher pendant plusieurs heures sur des routes dangereuses pour se rendre à leur cours. Ils n'ont souvent pas d'eau potable et plusieurs marches nu-pieds. Donc ils doivent endurer ça chaque jour, mais on espère pouvoir changer la situation grâce à des groupes comme Shine on Sierra Leone qui travaillent pour construire des écoles et rendre l'éducation un petit peu plus accessible. Et donc pour faire parler d'eux, Shine on s'est associé avec David and Goliath pour une campagne qui nous met ça en perspective un petit peu avec un site web qui, comme je le disais, dure 9 miles de long et qui prend plus de 5 heures à descendre complètement. C'est à peu près le temps que ça prend pour un enfant à Sierra Leone de se rendre à l'école lors d'une journée typique. Ça s'appelle le 9 mile scroll. Intéressant comme idée quand même. Hein. Oui, vraiment. Il fallait voir la vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Voilà. Ensuite... l'affichage numérique au service de Jean-Michel Antil. C'est pas mon genre, Jean-Michel Antil, du tout. Probablement pas toi non plus. Je pense que notre génération est pas très, très, très fan. Ça dépend. Ça dépend vraiment du numéro. Ah ouais, hein? Ouais. Quand j'étais plus jeune, mes parents et ma famille commandaient les Juste pour rire, les grandes soirées Juste pour rire, là, les galas, on faisait une sur grande sur genre Canal Indigo. Exactement. Puis... Ça existe encore, ça. Hey, Priscilla, là. Oui. C'était mon personnage préféré avec Rato. Ah ouais. Fait que, ouais, tu sais, j'ai quand même un attache à Jean-Michel Antil. Fait que tu vois ta psychologie de c'est parce que t'aimais ça quand t'étais jeune, là, ça arrête ça là-dessus parce que c'est pas bon. Nua des Chaos Scène avec la collaboration du restaurant du Vieux-Montréal. On t'imaginait une manière surprenante d'utiliser l'affichage numérique pour promouvoir le prochain spectacle de l'humoriste. Le Fancy va vouloir jouer sur la proximité de Jean-Michel Ancel avec son public. L'artiste apparaissait donc sur des panneaux numériques dans la salle de bain du restaurant dans le but d'inviter les clientes à le rejoindre alors qu'il était réellement attablé dans la salle à manger. Jean-Michel Ancel faisait ensuite la surprise de remettre des billets à une quinzaine de participantes. Des panneaux statiques étaient également employés pour augmenter l'impact et le nombre d'impressions générées. C'est tellement du marketing speak, ça, là. Mm-hmm. Le nombre d'impressions. L'entreprise veut poursuivre l'utilisation de son offre numérique, un média qui peut sembler moins intrusif pour véhiculer davantage de messages ciblés, disent-ils. Ça leur a permis d'annoncer une capsule, de diffuser une capsule de 30 secondes pour une période donnée de manière flexible en tenant compte du contexte, ce nouveau principe de message publicitaire. Ensuite, Duracell et son affichage dans une fenêtre pendant les fêtes pour passer de la joie au chaos lorsqu'on insère les mauvaises batteries, les mauvaises piles. Oh, okay. Ça vient de Whedon and Kennedy, peu importe. Donc, pour plusieurs personnes, les batteries, les piles font vraiment partie des fêtes. C'est normal, les gadgets, ça a besoin de piles à un moment donné pour fonctionner. Mm-hmm. Donc, Whedon and Kennedy, New York, voulait montrer un petit peu le chaos qui peut arriver lorsque tu te fies sur les mauvaises piles le matin de Noël. Donc, c'est un affichage dans une fenêtre, un window display, comme on appelle, qui était installé sur une plateforme tournante et ça montrait deux possibles scénarios pour Noël. Donc, un matin absolument fantastique avec des piles Duracell et une scène de cauchemar, de chaos total lorsqu'on n'avait pas Duracell. OK. Alors, ça a été créé dans le West Village de Manhattan. Ça a été montré entre le 14 décembre et Noël. Et la fenêtre vivait en ligne aussi avec un géofiltre Snapchat. Donc, tu sais, les filtres Snapchat qui ont lieu seulement à des endroits précis selon le GPS de ton appareil. Oui, les filtres. Les géofiltres qu'on appelle. Ouais. Mais ouais. Bref, vous pouvez aller voir les photos de ces affichages, ces displays de Noël avec des jolies petites marionnettes. Mm-hmm. Je trouve, en plus, pour vrai, ces marionnettes-là sont vraiment réussies. Ça fait un petit peu Sesame Street. J'aime ça. Bref, ça montrait un petit film de 60 secondes de Whedon and Kennedy et de Biscuit Filmworks. Donc, le réalisateur de cette compagnie-là, Andreas Nelson, qui a imaginé ce qui aurait lieu si le Père Noël ne livrait pas ses batteries de Noël. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Ensuite, on a parlé de filtres sur Snapchat. Continuons justement avec Snapchat. Bien, certainement. Qui pourrait forcer les utilisateurs à regarder les publicités de 3 secondes avant de pouvoir skipper. En fait, pas de publicité de 3 secondes, mais de regarder les publicités pendant 3 secondes avant de pouvoir skipper. Un peu comme on le fait sur YouTube en ce moment. Ça prend quelques temps avant que ton petit bouton skip à la pub arrive. Donc, Snapchat qui ne veut pas vraiment. En fait, ils vont à contre-cœur. Permettre ça, parce que c'est pas du genre Snapchat à vouloir de la publicité dans son produit. Et maintenant, ils se demandent, ils se posent la question, est-ce que les gens vont vouloir regarder 3 secondes de pub avant d'offrir l'option de sauter la publicité? Donc, c'est ce qu'ils vont offrir. Ça va être une considération sérieuse. On réfléchit à ça et on va voir si ça va avoir lieu un jour. Pour Snapchat, on dit que ce serait quand même une expérience nouvelle pour eux, parce que les leaders de chez Snapchat, donc on parle entre autres du directeur général Evan Spiegel, qui est très très sensible par rapport aux publicités imposées à son public. Présentement, les publicités sont très très faciles à fermer juste en touchant l'écran. Mm-hmm. Je ne suis pas un grand utilisateur de Snapchat, mais ça a l'air assez facile de tasser une pub. Ouais, c'est vrai. Bon. Mais bref, apparemment que c'est pas assez pour les publicitaires. Ah, voilà. Bon. Hein? Des fois, pas le choix de se s'adapter aux publicitaires. En effet. Ensuite, Audi, marque de voiture, qui a écrit un script pour un site web qui va... donc, que les sites web vont pouvoir installer, qui vont bloquer les visiteurs qui sont en train de conduire. Attends, répète. Donc, Audi a écrit un script pour que les sites web puissent installer ça sur leur site. Ouais. Et que ça va bloquer les gens qui vont aller sur le site web pendant qu'ils sont en voiture. Ah, OK. Hey, c'est bien, ça. C'est très bien. C'est dur à expliquer quand même. Ouais, quand même. Mais bon. Donc, vos chances... La deuxième fois que c'est expliqué, c'est bien. Ouais, j'ai essayé. Donc, tes chances d'avoir un accident triple lorsque tu fais quelque chose comme visiter ton téléphone cellulaire. Mm-hmm. Hein, et 4 conducteurs sur 5 admettent avoir fait ça. J'approuve. Honnêtement, là... Si tu te fais texter au volant, là, comme un, colle-toi sur le bord. Genre? Mets ton téléphone sur main libre. Uh-huh. Ou achète-toi un Bluetooth. Là, ou dis « Hey Siri, peux-tu puis appelle. Répondre? » Exactement. C'est pas dur, là. Siri répond au message texte en disant que je suis dans le char, là, t'ailleurs. Siri, appelle. Tu sais, pas dur. Hey, c'est tellement pas compliqué. Hein. Je comprendrai jamais ça, mais je pense que ça va continuer pour toujours. Malgré les contraventions, malgré les points de démérite ou peu importe ce qu'on pourrait trouver d'autre, ça va continuer parce que les gens sont trop... ils veulent tout avoir maintenant. Tout le temps. Mais bref. Là, j'ai dit, vous remarquez que j'ai dit les gens, là. J'ai pas dit les Québécois. Oui, mais non, j'ai non. Tout le monde. Tout le monde, vraiment. Bref, cette statistique dont je viens de parler, 4 conducteurs sur 5 qui admettent avoir fait ça, cette imbécilité-là de texter au volant. Donc, ça a montré, ça a inspiré Audi et l'agence suédoise Axtamholst. Mm-hmm. Pour créer, ben oui. Ben oui, on les connaît. Pour créer une campagne de sécurité, donc qui prend la route du direct, un petit peu comme dans genre, on va être direct avec les gens pour contacter ces gens-là qui choisissent d'aller en ligne avec une main tout en conduisant de l'autre main. Donc à la place de créer une publicité de 30 secondes, comme on les connaît, comme il y en a beaucoup, beaucoup à la télé et ça n'a pas l'air de convaincre les gens, l'équipe a développé un petit code d'informatique, un script pour les sites web qui s'appelle le Audi Safety Code. N'importe quel site web peut ajouter ce script-là à leur site et ça va analyser les données de GPS pour déterminer si le visiteur est dans un véhicule qui voyage à plus de 20 km/h. Mm-hmm. Ça va bloquer le site, l'accès au site jusqu'à ce que l'utilisateur confirme qu'ils sont passagers et non conducteurs. C'est ça l'affaire. Il y a tout un échappatoire pour ça. Par exemple, le mode Do Not Disturb While Driving sur le téléphone, c'est bien le fun, sauf que si tu dis que t'es passager, ça va, ça revient au même. Parce que tu peux le faire. Et le mode Do Not Disturb While Driving, ne pas déranger pendant la conduite, il faut que tu l'actives à la main. Donc, en tant que tel, faut vraiment... Faut que tu sois, je sais pas qui dans la vie est assez attentionné pour pas vouloir le faire et installer ça, ou utiliser ça, l'application, ou peu importe, et qui est pas capable de le faire lui-même sans avoir besoin de se mettre un bâton dans les roues. Ouais, ça non, commence à être vraiment une fine partie, là, parce que t'es soit d'un bord, soit de l'autre, comme ça. Je trouve. C'est vrai, t'es rarement... t'as bien raison. Je trouve. Bref, Axtamholst, qui a été nommé l'agence internationale de l'année en 2017 par Adweek, a travaillé là-dessus. Et le code a été implanté, évidemment, sur le site de Audi, audi.se. Et puis, on demande ou on suggère au marché local de cette compagnie-là de le mettre sur leur site. Il y a un site de nouvelles aussi, aftonbladet.se, qui l'a intégré. Mais ça ressemble à être pas mal juste ça. Je pense pas que ce soit très, très, très populaire. Ça devrait être une option du téléphone cellulaire et non pas du site web à mettre ça sur son site web. Pour vrai, c'est vrai. Ça devrait être un script dans Safari ou dans Chrome ou peu importe que tu pourrais activer ou désactiver, je trouve. Ensuite, des publicités avec auto-lecture, comme on l'appelle, mais silencieuses sur Facebook qui aident les gens qui ont une perte de l'audition. C'est B.R. Sachi & Sachi qui joue un petit peu avec la musique. Donc, les trames sonores qui peuvent drastiquement changer le ton émotionnel d'une vidéo. Et bien, B.R. Sachi & Sachi a justement utilisé ça dans sa campagne pour une OSBL israélienne. Donc, pour les gens qui ont une perte d'audition. 3 publicités pour le groupe qu'on appelle donc Bekol, B-E-K-O-L, utilisent le format de vidéo de Facebook, ce qui est automatique mais silencieux lorsque pas cliqué et avec son lorsque tu cliques dessus. Pour mettre donc en assemblage des effets visuels et une trame sonore qui va à l'encontre un petit peu de ce qu'on attendait, que ce qu'on s'attendrait à voir dans ces publicités-là. Donc, on va en regarder une à votre écran de radio, bien sûr. Oui, exactement. Et vous décrire, comme toujours. Caméra 3. Si vous avez allumé le son de cette vidéo et que cette vidéo est toujours amusante pour vous, vous devriez faire vérifier votre audition. Donc, on voit présentement une dame en train de faire du surf avec ses bras, là, tu sais, du surf à plat ventre sur... Et la chanson, la musique thème, la musique de trame en arrière, c'est un petit peu un film d'horreur. Oui. Donc, on comprend qu'on va à l'encontre de ce que tu t'attendrais à voir comme trame sonore. On comprend le principe. Mm-hmm. Il y en a plusieurs autres, vous pouvez aller les voir sur assemblagerequis.com, mais je trouve que l'idée est quand même le fun, pas mal. Tu devrais faire vérifier dans tes oreilles si tu penses que ça reste amusant. Oui, c'est ça. Malgré la chanson. Voilà. Ensuite, continuons avec State Farm, c'est une compagnie d'assurance aux États-Unis qui a une nouvelle campagne pour l'émission de télé This Is Us. Tu sais qu'en français, ça commence là, dans les prochains jours, Notre Vie ou quelque chose de Kitten comme ça, comme ça. Je sais pas, je connais vraiment juste en anglais. Ben, c'est Kitten en anglais aussi, This Is Us. Je l'ai pas regardé. C'est très. Apparemment, chaque épisode fait pleurer. Là, ah ouais, c'est ça. Ça a l'air que c'est la série là, incroyable à regarder. Tu veux le vider de ton liquide salé, là? C'est un craving pour éliminer le liquide salé de ton salé, corps. C'est pas mal ça. Donc. Mange tes larmes. Je te pleure, ma sœur. State Farm, donc, a une nouvelle campagne pour la série This Is Us qui comprend 3 publicités qui ont été filmées dans le même style que le drame de NBC, This Is Us. C'est un partenariat donc avec NBC Universal qui a débuté pendant un épisode de la série, bien sûr. Donc, les fans de This Is Us sont très habitués à la technique de jongler des histoires différentes dans différentes périodes temporelles. Mais donc, à partir de l'épisode qui a été diffusé récemment, les sauts de temps n'arrêtaient pas lorsque l'émission s'en allait en publicité. Mm-hmm. Donc, NBC et State Farm ont débuté une nouvelle campagne multiplateforme centrée autour de l'émission. C'est des publicités de 30 secondes filmées dans le même style que l'émission, mais dans le style des flashbacks et les flash-forward qu'il y a dans This Is Us. Donc, un flashback étant un retour en arrière, ouais. Un flash forward, une avancée dans le futur. Et donc, quand l'émission s'en va dans le passé, la publicité après reste dans le passé. Okay. Et même chose pour le futur. Et avec la même trame sonore, style guitare acoustique, qui sont très, très reconnues dans This Is Us. Donc, le plan était de diffuser une publicité différente pendant 3 épisodes consécutifs. Et puis on a dit que les publicités pourraient même popper dans l'épisode qui va être diffusé après le Super Bowl de This Is Us. Ça va être le 4 février prochain. Donc on va regarder. Je sais pas si dans la vidéo qui a été capturée, ça nous montre l'extrait de l'épisode. Je crois que oui. Donc on voit des gens entrer dans une maison, une femme et 2 hommes. La petite guitare, la trame sonore de This Is Us. On les voit s'amuser, regarder la grandeur des gens avec un crayon sur le mur. Notez ça. Les enfants qui courent, on a plein de flash forward, de flashback, etc., etc., etc. Ça a l'air d'être juste la pub. State Farm knows it's more than just a house to you. State Farm sait que votre maison est plus qu'une maison pour vous, donc pourquoi ne pas la protéger comme elle le mérite? State Farm, blablabla. Donc on comprend qu'on n'a pas vu l'extrait de l'émission, mais pour ceux qui ont au moins un petit peu vu quelques extraits, ou peut-être même des extraits dans les bandes annonces, les publicités de This Is Us, ça ressemble énormément à This Is Us. Et c'est vraiment, je trouve, la musique qui fait tout. Pas nécessairement, je trouve pas que c'est nécessairement le style de réalisation et de capture de voyons, de. Direction, comment t'appelles ça? Direction photo, c'est ça? Oui. C'est plus la trame sonore qui me rappelle This Is Us. Oui. Bref, et aussi, il faudrait dire à la fille qui fait les voix à Radio-Canada que c'est pas This Is Us, c'est This Is Us. Parce que version française de This Is Us, là, c'est qui est des comment? This Is Us? Ouais. Jesus Christ Superstar? Quoi? C'est ça. Je comprends pas. Bref, c'est ça. State Farm. Bref. ensuite, on a... tu connais l'acteur Owen Wilson? Oui. Aka The Nose. Oui. Hein? Donc, Owen Wilson qui explique un petit peu les Oreos. The Nose. Quoi? C'est tellement méchant. Mais non, c'est un fait. Ah, là, tu m'en rembarqueras pas là-dessus, là. Ben là. D'exposer le fait que le gars a un nez particulier, c'est de faire du body shaming, c'est ça? Ben non. C'est une caractéristique qu'il représente. Pour ceux qui savent pas, c'est qui Owen Wilson, tu dis le nez. Ouais, mais de l'appeler comme ça. OK, t'as raison là-dessus. C'est de mettre une caractéristique que peut-être lui aime pas au devant. Je te le donne là-dessus. Merci. Je suis d'accord. Bref, Owen Wilson, aka, il n'y a pas de surnom, explique les Oreos aux Français, mais de façon un petit peu pauvre, comment dire, mauvaise, dans une campagne qui est faite pour être humoristique, bien sûr. Donc, Owen Wilson, qui aime bien la France, apparemment. Et maintenant, il est de retour et il amène les Oreos avec lui. Je sais pas si c'est parce qu'en France, les Oreos sont pas très populaires ou peut-être même pas connus tant que ça. Donc, c'est une nouvelle campagne d'Oreos en France de l'agence parisienne Buzzman. Donc, il montre l'acteur en train de rater pas mal toutes ses répliques parce qu'il est pas capable de parler français. Hein? Mm-hmm. Donc voilà, une approche créative pour parler des Oreos en France. On n'a pas l'extrait vidéo, mais vous pouvez comprendre. En fait, la vidéo a été retirée parce qu'on peut pas la voir à l'extérieur de la France. Mais on a une photo donc de Owen Wilson en train de manquer chacune de ses répliques parce qu'il parle pas français. C'est classe, hein? Ben oui. Ensuite, à la place de faire seulement des publicités, la compagnie Equinox a fabriqué quelques produits luxueux pour raconter une histoire au Nouvel An. Donc c'est encore une fois Winn and Kennedy, vraiment des gens très très prolifiques en termes de marketing. C'est pour leur collection Commitment, donc engagement. Si vous avez pris quelques livres pendant les fêtes, qu'est-ce que ça prendrait pour vous faire perdre du poids en vous inscrivant à un club de fitness comme Equinox? C'est un gym, Equinox. Oui. Donc ici, pourquoi pas, tiens, avoir un sweatsuit, comment on appelle ça, un habit que tu portes pour t'entraîner, oui. Mais qui a été créé en utilisant du fil à coudre. Ouais. En coudisant. OK. C'est quoi? Je sais pas c'est quoi le mot. Ben là... Coudre, cousin, coudin. En cousin. En cousin. En cousin. En cousin. Ah ouais. En coudin. En cousin. Tu vois, je t'ai fait douter. En cousin. En cousin. C'est... Bref. En cousin. On a passé beaucoup trop de temps là-dessus. Tout en cousin. Donc, un sweatsuit créé en cousant hein, des scrubs, donc les habits qu'on porte chez les médecins, ben, peu importe. Ou encore de la cologne avec une infusion de l'ADN de marathonien hein, ou du rouge à lèvres fabriqué à partir des pages du Washington Post. OK. Hein. Donc, c'est des articles inhabituels qui ont été mis en vedette dans Commitment, une collection par Equinox. Donc, c'est leur campagne provocante de la part de Whedon and Kennedy New York. Commitment est le mot à surveiller pour la compagnie dans ses campagnes publicitaires cousants. C'est un participe présent. Ah c'est oui, un participe présent. Ou un gérondif présent. Un gérondif! Un gérondif! Un Jerry! J'ai aucune idée c'est quoi un gérondif, mais c'est un mode impersonnel qui est utilisé comme un adverbe et ça comporte deux temps, donc le présent et le passé. Wow! Je viens d'apprendre quelque chose. C'est pas dans le bécherel, ça, dans le temps? Je sais pas. Bonne question, mais cette chronique-là sert à ça. En fait, l'émission au complet sert à apprendre des choses, hein, je pense. Bref, on a créé 7 de ces produits luxueux qui sont inspirés par la passion et la persistance de certains des gens les plus engagés, les plus commis, donc committed, sur Terre. Et c'est ça, c'est l'artiste, le styliste Mel Ottenberg et des designers bien connus qui ont travaillé sur le projet. Et les articles qu'ils ont créés sont quand même assez luxueux. Donc allez voir la vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. C'est pour le gym Equinox. Et pour clarifier, les produits ne sont pas à vendre, mais certains étaient mis aux enchères pour ramasser de l'argent pour des œuvres caritatives. Ensuite, IKEA nous invite à uriner sur ses publicités. Est-ce que tu as vu ça? Ben oui, j'ai vu ça. C'est une des plus fun, ça, quand même, je trouve. C'est l'agence... Je trouve ça un peu dégueulasse. Ouais, un peu. L'agence suédoise d'IKEA à Kestam Halls, les mêmes que tantôt, hein, qui ont conçu des campagnes marquantes pour la marque. Et c'est une publicité qui est aussi un test de grossesse. C'était dans le magazine IKEA. L'exécution invitait donc littéralement l'électrice à uriner dans un petit carré placé aux côtés d'un lit pour bébé. Et si le test s'avérait positif, le prix initial du produit disparaissait. Il laissait découvrir une réduction de 50%. Il fallait donc aller sur le site web du détaillant, s'inscrire à son programme familial, et la réduction était valide pour les femmes enceintes, mais aussi pour tous les membres du programme. Mm-hmm. L'agence a préparé le concept pendant plus d'un an. Cool, hein? Ensuite, Google a créé une machine à gomme activée par la voix pour faire la promotion de son assistant numérique Google Assistant. Oh, OK. Ils ont même construit sur 3 étages au CES, le Consumer Electronics Show, qui avait lieu la semaine dernière, qu'on a dit hier, je crois, à Las Vegas. Bref, les assistants numériques apprennent à faire plein de choses. C'est utilisé pour activer ton téléphone cellulaire, les lumières, des haut-parleurs, des télés, des voitures. Et maintenant, Google amène ça sur son assistant Google, à Las Vegas. Google a fait une super grosse, a créé une grosse machine à gomme que les gens pouvaient utiliser et interagir avec elle. Donc, la machine était au Las Vegas Convention Center et ça permettait aux participants de se mettre en file pour avoir la chance de poser une question à Google en échange de prix comme des haut-parleurs intelligents, des caméras de sécurité Nest, des cartes cadeaux OpenTable et des équipements Google. Donc, l'activation avait lieu toute la semaine. Activation qui était un autre mot de marketing, évidemment. Et ça a invité les gens à mettre une très, très grosse pièce de monnaie qui leur a été donnée par un membre de Google pour activer la machine. Une fois que la machine s'activait, on avait 4 catégories de 15 questions chacun qu'on pouvait poser à l'assistant Google qui ensuite leur répondait avant de donner le prix. Et Google prévoyait donner environ 1400 prix par jour. On dit dans une journée, presque 100 personnes étaient là à l'heure du midi pour avoir leur chance de parler à la machine. Par exemple, les questions qui étaient proposées, quels sont est-ce qu'un hippopotame fait? Ouais. Hein? Est-ce qu'il y a des restaurants ouverts 24 heures à Las Vegas? Et quel est le nom complet de Picasso? Quand même bien. Très bien. Ensuite, protégez-vous. Le magazine et le site web se posent en chasseur d'anguilles. Chasseur d'anguilles comme dans Trouver les fausses nouvelles. Ben ouais. Une campagne signée Atypique pour sensibiliser les Québécois au sujet des publicités trompeuses. Du 15 janvier au 13 février, Protégez-vous mettait en ligne, mais en ligne, c'est encore le cas. Je suis habitué de tout mettre au passé parce que d'habitude, c'est tout à fini quand j'en parle. Jusqu'au 13 février, Protégez-vous met en ligne la campagne de notoriété Anguille sous roche visant à sensibiliser les Québécois au sujet des publicités trompeuses et de la difficulté à trouver des sources fiables au moment de choisir un produit de consommation. Donc, signé Atypique, l'offensive web mise sur des vidéos qui transforment Samuel Lambert-Milo, directeur des tests à Protégez-vous, en intrépide chasseur d'anguilles. S'intéressant à des articles courants, soit les pneus, les machines à espresso et les téléviseurs, il aide le public à séparer l'utile du superflu. Il met de l'avant la méthode Protégez-vous pour évaluer les produits, donc des tests rigoureux effectués par des experts en dehors de toute influence commerciale. Mmh. Très bonne idée, on adore Protégez-vous. Ensuite, Gatorade a créé un jeu de football en réalité virtuelle avec Peyton Manning qui focus sur l'importance de s'hydrater. Oh, c'est si bien dit. C'est vrai. Hein? S'hydrater au Gatorade, il n'y a rien de mieux. Et voilà. Quoique pendant un rhume, ça, je pense que c'était bon. Du Gatorade, non? Ouais. Les électrolytes. Mais... Ouais, c'est ça. Au Consumer Electronics Show, encore une fois, à Las Vegas, Gatorade et son agence partenaire, qui est OMD, ont montré Beat the Blitz, qui utilise la technologie holographique de Microsoft pour capturer Manning, donc Peyton, de son prénom, en réalité virtuelle, et permettre aux joueurs d'apprendre de la part de ce MVP de NFL. Donc après le jeu qui devrait sortir en février, les joueurs vont apprendre par Manning vont apprendre des choses sur la déshydratation et comment ça peut causer des problèmes dans le corps, au cœur et au cerveau. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment Manning qui te dit ça dans le jeu en réalité virtuelle. Hein? C'est pas la première fois d'ailleurs qu'ils utilisent la réalité virtuelle. Alors, en 2015, ils avaient créé un jeu de baseball avec le right fielder des Washington Nationals, Bryce Harper. Mais c'était pas interactif, contrairement à celui de Manning, qui lui l'est. Ouais, interactif. Exact. Ensuite, les campagnes intégrées sont 31% plus efficaces pour construire des marques. Encore une fois, plein de mots-clés là-dedans, des buzzwords de marketing. Une nouvelle étude de Ad Reaction et de Kantar Millward Brown dresse l'état des campagnes de publicité multicanal. Bien que les avantages des campagnes publicitaires intégrées et personnalisées soient substantiels, augmentant l'efficacité des campagnes de 57%, ces dernières ne représentaient que 46% de toutes les campagnes testées. Les marketeurs peinent à trouver l'équilibre entre l'intégration et la personnalisation. On dit que 29% des annonces testées étaient intégrées mais pas personnalisées, tandis que 26% des annonces n'étaient pas suffisamment intégrées. L'étude révèle que les campagnes intégrées sont plus efficaces de 31% dans la construction d'une marque. Campagne intégrée, voulant dire intégrée à une émission, pas nécessairement du placement de produits, ben ça peut en être en même temps. Mais je sais pas, une chronique de voiture qui est clairement commanditée par la marque de voiture, ouais, ou des trucs comme ça, je sais pas trop. J'ai pas vraiment d'exemple sous la main. L'étude a révélé que les spécialistes du marketing et les consommateurs ont des points de vue différents. À la plupart des spécialistes du marketing, donc 89% de ceux qui ont été interrogés, croient que leurs stratégies de campagne sont intégrées, mais un peu plus de la moitié, 58% des consommateurs, sont d'accord. Donc, campagne, je vais trouver une définition, voir campagne intégrée. Une démarche proactive différente de la communication 360. Oh, wow, c'est oh, tellement wow. Du j'aime tellement pas ça. Le terme est apparu et a été reconnu académiquement à la fin des années 80 sous l'impulsion du président de l'American Association of Advertising Agencies. Donc, c'est une stratégie de communication et de marketing visant à intégrer de manière cohérente et efficace l'ensemble des canaux de communication d'une marque. Est-ce que c'est vraiment mieux comme description? Je sais pas. Je sais pas, hein? Je sais pas, pas sûr. Donc, les caractéristiques d'une campagne de communication. La CMI se voit comme une solution au service des marques qui permet de nourrir le lien de la marque à ses publics en adoptant des discours adaptés à chacun d'entre eux afin de renforcer le message de la marque ou de l'organisation. Impliquant une approche matricielle de l'organisation, la CMI suppose un changement organisationnel profond pour toutes les entreprises intéressées par ce modèle. Je comprends pas plus. Tu vois, on dirait que le marketing, c'est tellement genre fermé sur soi-même. Ouais. Qu'il faut que tu aies étudié là-dedans pendant probablement 4-5 ans. Probablement. Pour comprendre. Mais bref, ici, dans les exemples sur le site d'InfoPresse, on a une campagne de Subaru, signée Rinaldi, qui serait apparemment de la publicité intégrée. Donc, la campagne des conditions, la campagne intégrée, moquez-vous les conditions, présentez des gens dont le bonheur n'est nullement affecté par les intempéries, axe privilégié par l'association des concessionnaires Subaru. Donc, l'offensive se termine constitue la suite de la précédente. On oublie que c'est l'hiver et elle rappelle que grâce à la traction intégrale, les conducteurs de Subaru peuvent aller où ils veulent quand ils le désirent. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire, une campagne intégrée, avec ça? Non plus. Non. Fait que je pense vraiment qu'on va devoir aller étudier là-dedans. Ouais. Bref. Pas le choix. C'est trop pour moi. C'est trop. Il y avait pendant les fêtes, ça c'est intéressant, c'était une publicité live en direct sur les ondes de CNN pendant leur émission de fin d'année. OK. C'était vraiment cool. C'était une campagne, une publicité chantée que je trouvais assez charmante. Donc, CNN qui a diffusé sa première publicité en direct pendant son émission du jour de l'an, c'était Mass Mutual, qui voulait fermer l'année avec un petit peu d'optimisme, laissant l'année 2017 déplaisante derrière eux. Donc, c'est Mass Mutual et leur agence Johannes Leonardo qui ont créé donc une publicité de 2 minutes montrant 6 histoires de vraies familles de communautés, et d'étrangers qui s'aidaient en 2017. Et la publicité à la télé se terminait avec une grande chorale d'enfants qui chantaient. C'était fait vraiment en direct comme ça. Ça avait l'air d'être une publicité filmée, mais c'était parfait. Mass Mutual, qui était le présentateur officiel de la 23e heure sur CNN, pas 23e heure de suite, mais la 23e heure de la journée. On s'en exactement. C'était long leur émission, là. C'était genre 5h30, je pense. Mais c'était pas 23 ans. Bref, qui était présenté cette heure-là avec des interruptions commerciales limitées pour pouvoir avoir le dernier mot de l'année chez Mass Mutual. Allez voir l'extrait sur assemblagerequis.com. Je trouve ça vraiment bien comme une petite publicité. Ensuite, on a une story sur Instagram avec de faux cheveux dessus, mm-hmm, faux poils. Hein? Est-ce que tu as déjà vu passer ça sur Instagram? C'est fait pour que tu cliques dessus pour essayer de tasser le poêle. Non. C'est une publicité, il y a un cheveu dessus. OK. C'est fou, hein? Donc, une story Instagram. Une story, c'est une vidéo qui dure seulement 24 heures, etc. C'est ça ce qu'on a fait sur la publicité. On a fait exprès pour qu'il y ait l'air d'avoir un poil, un cheveu en plein milieu de l'écran. Hein? Donc, évidemment, c'est dérangeant. Donc, tu veux le tasser de là, ben, tu swipes. J'imagine que ça veut dire que si c'est une story, ça veut dire que c'est sur ton écran complet. Oui. Et que quand tu swipes pour enlever le poil, ça ouvre le site web qui est en dessous. C'est ça, les stories. Mm-hmm. C'est pas scroller comme dans Instagram pour scroller d'un post à l'autre. C'est pour monter le site web qui est intégré à la publicité. Voilà. Bref, c'était une attrape pour les utilisateurs d'Instagram qui ont swipé pour aller voir le site web de la compagnie de souliers. Par accident, finalement, parce que la compagnie n'a aucun mérite. Là. Ouais. Hein? Un porte-parole de Instagram a dit à The Verge que cette publicité-là contrevenait aux politiques d'Instagram et on a donc retiré la publicité. On dit il y a quelques semaines, ils ont même enlevé la permission du compte de faire de la publicité sur la plateforme. Donc au moins, ils ont réagi rapidement. Au moins. Ensuite, continuons tant qu'à faire notre petit groupe dans cette chronique-là. On parle d'un chandail des fêtes. Oui. Vraiment laid, les Ugly Christmas Sweaters. Oh mon Dieu, ouais. Hein? Qui pouvaient vous avoir un embarquement, devancé sur Alaska et Virgin pendant les fêtes. Donc, si tu volais sur Alaska Airlines et que tu étais habillé avec un Ugly Christmas Sweater, ben, tu allais avoir le Free Priority Boarding le 15 décembre dernier. Donc, embarquement devancé gratuit. C'était pour célébrer le National Ugly... voyons. National Ugly... Tu vas l'avoir. C'est beaucoup de mots. National Ugly Holiday Sweater Day. OK. Voilà. Une journée bien spéciale qui était le 15 décembre dernier. Et c'était pour Alaska, Virgin et Horizon Air Flights. Je sais pas. Early boarding, je sais pas si ça veut dire combien de temps à l'avance, mais quand même. C'est bon d'aller pouvoir aller s'asseoir dans l'avion. Ben oui, certainement. Ensuite, on pouvait commander un essai de conduite sur Amazon avec Chevrolet. Chevrolet, Amazon et Chorus Entertainment ont collaboré pour créer un programme d'expérience automobile afin que les clients puissent essayer de manière exclusive un véhicule Equinox 2018 directement livré à leur domicile. Ça a été lancé en septembre dernier pendant 2 semaines. Une campagne média en ligne a encouragé les gens à s'inscrire à cet essai de conduite sur Amazon. En une seule fin de semaine, plus de 60 clients ont vécu une expérience de livraison à la maison par Amazon. L'objectif était de sortir le modèle Chevrolet Equinox 2018 de la salle d'exposition, puis de l'intégrer dans la vie quotidienne des consommateurs. Pour que cette expérience soit partagée à la plus grande échelle, 2 participantes ont été choisies pour raconter ce qu'elles ont vécu dans une campagne ciblée lancée le 30 octobre dernier sur les réseaux télé de Chorus Entertainment. Et on a encouragé les téléspectateurs à découvrir les vidéos numériques sur Amazon, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Ensuite, Off the Hook célèbre les Jeux olympiques de Montréal en grande pompe. Adidas et Off the Hook Boutique ont fait équipe pour commémorer les Jeux olympiques d'été de 1976 avec la réédition d'une chaussure qui a marqué l'événement sportif, le modèle Montréal 76. OK. En 76, la ville de Montréal a rayonné à l'international alors qu'elle a accueilli les Jeux olympiques d'été. Et pour l'occasion, Adidas avait créé le modèle Montréal 76 pour compléter l'uniforme porté par les employés sur les sites des compétitions. Et aujourd'hui, la chaussure est revenue donc sur le podium avec son fameux trio de bandes bleu ciel sur un fond de Suède bleu marine. Quelle belle couleur! Wow! J'aime tellement pas le bleu marine. Une grande victoire a marqué à jamais l'histoire des Jeux olympiques en 76. On se rappelle bien sûr de l'athlète roumaine Nadia Comăneci. 2 installations éphémères ont été construites pour souligner ce lancement combiné. Une qui se tenait au magasin phare de Off the Hook Boutique au centre-ville de Montréal. L'autre à la boutique de l'hôtel William Gray. La mise en scène a été conçue par Sarah Hall qui recréait donc un salon typique des années 70 avec un téléviseur rétro qui présentait en boucle des extraits de la performance de Madame Comăneci. Les souliers Adidas Montréal 76 et la collection Perfect Ten qui sont offerts dans les points de vente de Off the Hook et en ligne depuis le 13 décembre dernier. Voilà, c'est tout! Hein? Ça valait la peine de finir ça. Ben oui, tout à fait. 20 petites nouvelles comme ça. Le bloc pub, les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1187. On prend une pause. Au retour, on va faire d'autres choses. Et oui. À 9h30, on va voir Alex Marchand pour la chronique Dans ma tête. Fait qu'on reste là. Ouais, restez là, partez pas. C'est pas très marketing par contre. Ça. Pourquoi? On pourrait trouver quelque chose de mieux que rester là. Ben, restez là! OK! Assemblage d'équipe 3, aujourd'hui. 89. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Dernière minute d'Assemblage Requis commence maintenant, en ce mercredi matin 17 janvier 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Dans une quinzaine, ce sera Alex Marchand. Et dans ma tête, on va sûrement parler d'alcool, nightlife, musique, trucs comme ça, activités. Ça devrait s'en venir. Ça devrait s'en venir tout à l'heure. Avant ça, on va s'acheter des trucs. La suite d'hier, on avait fait une toute petite chronique de Ça existe hier. On va la continuer aujourd'hui pour la compléter. Mais avant ça, on écoute Pendentif avec leur nouvelle entrée. Vas-y, fais-le vite. On l'a bien aimé la première fois. Vous êtes à Assemblage Requis. Je suis Vas-y. Fais-le vite. Ah, OK. Vas-y. De pendentif. Ah, pendant quoi, Tif? Pendentif. Tif. Pendentif? C'était pas ça? Oui, pendentif. Non, je sais, mais c'est pendentif? Pas... C'est pendentif, c'est pas pendentif. Non, c'est pas pendentif. C'est ça. Tu sais, c'est un pendentif. Ouais, c'est ça. C'est pas comme... pendentif. Tif. C'est un pendentif. Tif, exactement. C'est ça, exactement. C'est comme... c'est pas l'info quand. Ben non. C'est pas campus. C'est campus. C'est pas campus qu'on... Non, c'est... Non, c'est ça, exactement. C'est... C'est fini le gag, ouais. C'est là. Voici maintenant l'info campus, présentée par le journal Zone Campus. L'AGE-UQTR lance un appel de communication dans le cadre de son colloque multidisciplinaire des cycles supérieurs. L'événement aura lieu le 15 mars 2018. Pour soumettre sa candidature, il faut rédiger un résumé d'un maximum de 250 mots, de style abstract, d'un article scientifique. Ce résumé devra par la suite être envoyé à cyclesup.age@commercialuqtr.ca. La date limite pour les candidatures est le jeudi 8 février à 23h59. Vous souhaitez acquérir des outils pour vivre le succès professionnel? Les ateliers MITAC sont pour vous. Le lundi 22 janvier prochain, de 9h à 17h, des spécialistes dans leur domaine offriront différents ateliers de perfectionnement. Pour s'inscrire, il faut écrire à calfonce@commercialmitac.ca. L'événement aura lieu au local 1104 pavillon Michel Sarrazin de l'UQTR. Faites vite, les places sont limitées. Le mercredi 24 janvier se tiendra l'événement Stage emploi de 11h à 15h au Hall Gilles Boulet ainsi qu'à l'Atrium CEU. Cette journée réunit plusieurs kiosques d'entreprises et d'organismes spécialisés en ingénierie, informatique, administration et comptabilité. Les étudiants et étudiantes pourront ainsi apporter leur curriculum et se trouver un lieu de stage ou faire du réseautage. Félicitations à l'équipe de volleyball des Patriotes. Les athlètes ont remporté la Coupe de l'Est 2018 dans la catégorie universitaire Division 1. Elles affrontaient des équipes venant de l'Ontario, du Québec et des Maritimes. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, visitez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. Hey, une chance que t'as pas sacré en ondes, Tania Baudin. Hey, hein? Faut être président des États-Unis pour faire ça. Non, il est pas sacré en ondes, je sais. Bref, mais c'est drôle quand même que les médias américains, même les grandes stations, parce que tu sais, aux États-Unis, je sais pas si tu savais, les chaînes câblées ne sont pas régies par le même code que les grands réseaux, donc ils ont le droit d'utiliser le mot shithole sans que le FCC, qui est leur équivalent du CRTC, vienne leur reprocher ça. Il y aura rien à faire, c'est pas, sont pas gérés par ça. Mais les grands réseaux, oui, donc NBC, CBS, ABC, Fox, CW, le bulletin de nouvelles de NBC a décidé d'utiliser une fois le mot shithole en avertissant à l'avance. Il va y avoir la mention une fois du mot. Ouais. Ils ne devraient pas avoir de problème parce qu'ils ont averti et ils l'ont fait juste une fois. C'est quand même le fun comme règle à savoir, je crois. Oui, oui, quand même. C'est trop le mot qu'on utilisera dorénavant pour... à toutes les sauces, je pense. Pour plein de gens. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Plein d'endroits, je veux dire. Bref, l'info campus qui a été écrit par David Ferron, c'est ce qu'on vient d'entendre, lu par Tania Baudin. Mm-hmm. Et maintenant, c'est le moment de retourner s'acheter des choses dans Ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Répond là la chronique qu'on achète des choses sur Internet et qu'on le regrette instantanément. On commence par le CES, hein, j'en parle beaucoup du Consumer Electronics Show, c'est la grosse foire là, de l'électronique là, qui avait lieu la semaine passée. Mm-hmm. Et on commence avec un gadget qui nous vient de là, c'est Modius. Un beau sac, ça aussi. Modius, c'est Modius. Le casque qui caresse votre nerf auditif pour vous faire maigrir. Oh boy! En stimulant le nerf auditif, ce diadème, donc une couronne électronique, diminuerait l'appétit et renforcerait le métabolisme en brûlant les graisses. OK. On place une électrode derrière chaque oreille où affleure le nerf et une heure d'utilisation par jour se solde, selon les informations de l'équipe constituée autour d'un médecin, par la perte de 4 kg au bout de 3 mois. 4 kg en 3 mois, est-ce que c'est beaucoup? Je pourrais pas te dire. Non, je sais pas. 4 kilogrammes. 4 kilogrammes. Tu veux ça en livres? Ben, hein? Ouais, vas-y donc, en livres. Je suis pas bonne en kilogrammes. Ça fait 8,8 livres. Ah, ben, c'est bien. En 3 mois, ouais. Bon. C'est pas. Ouais. En te faisant shaker la tête. en te faisant ses câlins. Hey, tu dors avoir mal. Mais comment ça, cérébral, pense-y. Hey, non, mais j'ai déjà assez de ma tête qui fait des drôles d'affaires avec des migraines, des maux de tête ces temps-ci. Hein. Hey, j'ai découvert le bonheur de me mettre du froid sur la tête. Parlant de migraines, c'est vrai? Oui. Je ne savais pas ça. Est-ce que tu connaissais le truc de te mettre les pieds et les mains recroquevillés là, en petites boules dans un lavabo ou dans une chaudière d'eau chaude et sur tes épaules, te mettre un sac de petits pois congelés? Apparemment... Ça prend comme une heure et demie de préparation. Non. Tu fais couler de l'eau chaude, tu te mets en petite boule, puis ça te prend un sac de petits pois congelés. Là. Wow! Le samedi soir va être à tout jamais changé. Ensuite, on passe de la tête au poignet avec Signal, le bracelet qui transforme votre main en téléphone, qui s'en vient au mois de mars. OK. Né dans le laboratoire d'innovation de Samsung avant de s'en échapper, ce bracelet connecté utilise une technologie de conduction osseuse pour transmettre le son à votre oreille au travers de votre doigt. OK. Inumdul Lab n'a jamais eu de chance... quand les maudits articles de marde français... N'a jamais eu de chance au Scrabble. C'est n'importe quoi, ces gags-là, sérieux. Non, mais mets pas ça dans ton article, t'as juste l'air fou, là. Ben ouais. Puis après ça, je répète ça à la radio, puis c'est moi qui ai l'air fou, tu sais. Franchement. Bref, Inumdul Lab n'a jamais eu de chance au Scrabble. Incapable de tirer des voyelles, les ingénieurs de cette spin-off de Samsung ont tout de même inventé et nommé le Signal, S-G-N-L, qu'on avait déjà rencontré par le passé à l'IFA 2016. Ce bracelet qui a pour première fonction de transférer des sons grâce à la conduction osseuse vers votre main. Il ne vous reste plus qu'à avoir l'air ridicule et à coller votre doigt contre votre oreille pour pouvoir entendre un morceau de musique diffusé en Bluetooth depuis le smartphone ou pour recevoir un appel. Je pense que c'est plus l'objectif de recevoir un appel. Je pense pas que tu vas écouter ta musique avec ton pouce dans l'oreille. Ouais, non, c'est ça. Je penserais pas. Ça embarque également un podomètre afin de suivre votre activité physique. Et donc, les photos publiées par la société, on nous montre un design définitif de Single qui est plus fin et plus séduisant que ce qu'on avait vu par le passé. Donc, vous pouvez aller voir les photos sur assemblagewaki.com. C'est même, je trouve, joli. Ça ressemble énormément à un bracelet d'Apple Watch classique. C'est très beau. Mm-hmm. Bref, on dit que le produit pourra servir de bracelet à différents modèles de montres, justement l'Apple Watch et la Samsung Gear S3. Le bracelet est donné pour se charger en 1 à 2 heures et tenir 4 jours en veille et 4 heures en appel grâce à sa batterie lithium-ion de 200 mAh. Compatible avec Android et iOS grâce à Bluetooth, une application dédiée qui offre notamment la possibilité de suivre son nombre de pas quotidien. Il reste encore quelques questions, entre autres le prix, parce que c'est pas écrit dans l'article. On dit que les premiers modèles devraient être livrés en mars pour ceux qui ont soutenu le projet sur Kickstarter, les autres quelques temps plus tard. Donc, le Signal de Samsung. Toujours au CES, l'extracteur de Coravin. Je t'ai déjà parlé de Coravin, je crois que c'était hors onde. Ouais. Il y a une publicité même que j'étais. Ouais, c'est ça, je t'ai montré la publicité. C'était comme une aiguille que tu pluguais dans le bouchon de la bouteille de vin et ça te permet de sortir du vin de ta bouteille, mais sans ouvrir la bouteille et sans mettre de l'air dedans. Donc, tu peux garder ton vin pendant plusieurs années. Mm-hmm. Tu t'appelles de ça, ça s'appelle Coravin. L'extracteur de Coravin, maintenant, peut servir un verre qui passe au Bluetooth maintenant. OK. Donc, le nouvel extracteur de vin 11 de Coravin ajoute une connectivité Bluetooth à son système d'aiguille qui traverse le bouchon pour prélever le vin. Donc, Coravin, il y a une start-up qui a déjà conquis des milliers de passionnés. Je suis allé voir sur leur site, ça coûte comme 400$ US, là, fait que c'est le public de riche. Bref, mais les gens qui sont vraiment passionnés de bon vin et qui veulent pas en perdre... sautons les explications que j'ai fait tout à l'heure. Ça écarte les tissus, donc les morceaux de liège, sans occasionner de lésions. En profitant de l'élasticité du liège et en injectant un gaz inerte de l'argon dans la bouteille au moment du retrait de l'aiguille, on peut donc prélever le vin sans jamais mettre ce dernier en contact avec l'oxygène. Et aussi, yes, Coravin a présenté son dernier nez, donc le Model 11, qui est encore plus avancé mécaniquement. Même plus besoin de coincer la bouteille dans le gadget. L'extracteur se met en place tout seul. Et c'est connecté au smartphone par une application pour iOS où on peut contrôler la quantité de gaz restant dans la cartouche d'argon, mais surtout gérer sa cave de façon contextuelle. Entre classement des vins selon leur place dans une échelle organoleptique simplifiée, association des mets et des vins, historique des verres consommés et leur contexte, ce qu'on a mangé au même moment ou la musique qu'on a écoutée par exemple, jusqu'aux recommandations d'achat. Coravin tente de développer un écosystème autour du geste initialement simple de se servir un verre de vin. C'est donc destiné aux passionnés et le Model 11 fait exploser le plafond des prix des modèles. Donc on peut aller jusqu'à 999 €. Un tarif très très très élevé qui le met dans la catégorie des fous du vin, fortunés et amateurs de nouvelles technologies. C'est entre 200 et 400 €, donc 400 € étant 600 $ canadiens. Oh, quand même. Très, très, très cher. Oui. Maintenant, la caméra Rode Time Machine qui vous permet d'enregistrer le passé. Le passé? Oui, intéressant de pouvoir capturer le passé. Hein? On veut tout mettre sur Internet de nos jours, tout filmer, tout partager, mais pour ça, il faut être prêt à sortir son téléphone en espérant capter le moment. Ben, des fois, il est trop tard. Hein? Oui. L'entreprise Rode, ben oui, a présenté au CES 2018 de Las Vegas une caméra qu'elle a logiquement appelée la Time Machine. La possibilité de voir donc dans le passé. Ça vous offre la possibilité de filmer jusqu'à 10 secondes dans le passé et 10 secondes dans le futur. En fait, évidemment, on aura compris qu'un peu comme sur un enregistreur numérique, tout ce que ça fait, c'est que ça enregistre en tout temps. Elle filme à coup de 10 secondes. Mm-hmm. Et quand tu appuies sur le bouton enregistrer, ça enregistre les dernières 10 secondes qui ont de toute façon été enregistrées. C'est des sauvegardes dans le gadget. On se comprend? Oui, on se comprend. Hein? Beaucoup moins de risques de rater donc l'événement intéressant. Il y a aussi l'option plus simple encore, qui est de tout filmer tout le temps, donc tout enregistrer tout le temps. Ouais. Ça demande beaucoup de mémoire et beaucoup de batterie, mais quand même, la Rode Time Machine propose un mélange des deux. Donc la caméra filme en continu, mais n'enregistre pas à chaque fois. Elle conserve les images dans un cache, qu'elle vide régulièrement. Et quand on appuie sur enregistrer, ça fait un petit fichier avec. Voilà. Time Machine espère donc compenser le temps de réaction nécessaire à la personne pour se dire « il faut que je filme ». Le Rode Time Machine qui est déjà disponible en précommande sur le site de l'entreprise qui est roder.com, R-O-A-D-R.com, au prix de $200 US. Continuons toujours au CES avec une enceinte, donc un haut-parleur voilà, pour enfants qui se déclenche grâce à des figurines. Okay. Destiné aux enfants, l'enceinte Juki ne lance pas un morceau lorsqu'elle est en contact avec une figurine. Attends, comment? Ne lance un morceau que lorsqu'elle est en contact avec une figurine, voilà. Pour lutter contre la musique dématérialisée. C'est pour te donner l'impression que ta musique est physiquement dans le jouet. Hein? OK. Donc après les Amiibo chez Nintendo, maintenant les figurines de l'enceinte Juki, fondée par trois paires de familles. Pas trois paires de familles comme dans plusieurs familles de deux personnes, mais... Ouais. Trois pères. Trois papas. Hein? Bon. Oui. L'entreprise belge Muse Lab se spécialise dans la conception de produits high-tech réservés aux enfants. Et donc, la start-up s'inspire du concept des figurines interactives qu'on voit chez Activision, Nintendo, peu importe, pour l'intégrer au milieu de la musique. Il suffit de placer un des petits personnages sur l'enceinte pour lancer un morceau de musique, une playlist ou même un mémo vocal. Les cofondateurs sont partis d'un constat simple, plus personne n'achète de CD aujourd'hui. Ouais. Et inquiet de voir la nouvelle génération ne jamais connaître la musique en tant que bien physique. Ils ont imaginé Juki, J-O-O-K-I, et grâce à de jolies figurines, la start-up espère donner envie aux enfants d'écouter différemment, tout en les éloignant de leurs écrans et du monde virtuel. À l'intérieur, Juki n'est qu'une simple enceinte Wi-Fi, on ne peut plus classique. Et grâce à l'application mobile, les parents créent des playlists à partir de web radio ou de fichiers locaux. Morceaux qu'ils associent à chacune de 5 figurines. On dit que les parents ont aussi la possibilité d'enregistrer leur voix pour, par exemple, raconter une histoire. Et un peu comme les Amiibo, les figurines Juki réagissent ensuite avec le haut-parleur grâce à un tag RFID. Idée quand même cool, on dit 199 € avec 5 figurines, donc c'est beaucoup plus cher qu'à l'habitude, euros en dollars canadiens, 200 ça fait 300 okay. dollars canadiens ouais. pour un haut-parleur avec 5 figurines. Quand même, hein? Ensuite, un prototype de cinéma maison à porter sur sa tête. Hein? Ouais, il existe bien des manières de regarder des vidéos, on peut les regarder sur une télé, hein, sur une tablette, sur un téléphone et en réalité virtuelle. Et maintenant, vous allez pouvoir y arriver avec le casque Copin Eagle qui est une nouvelle option. C'est donc Copin, K-O-P-I-N, P-I-N, comme, oui. comme Copin. C'est une solution intermédiaire conçue en collaboration avec Pico Interactive. Le Copin Eagle, un prototype de cinéma maison portatif. L'idée d'offrir une expérience de visualisation immersive en plaçant les écrans directement devant l'utilisateur, comme pour la réalité virtuelle. Mais l'une des différences principales avec la concurrence, c'est que le Copin Eagle ne vous coupe pas totalement du monde extérieur. L'appareil embarque deux écrans OLED de 0,49 pouces avec une résolution de 720p, mais avec une luminosité de 1000 nits, donc quand même éclairé pas mal. Le Eagle devrait être proposé au grand public. Il préparait d'ailleurs un lancement en Chine pour un futur proche. Aucune information concernant le tarif de l'appareil ni sur son éventuelle disponibilité en Europe et en France ou ailleurs. Je suis en train de lire un message texte parce que j'ai lu le mot France. Ben non, mais c'est pas correct. Besoin de le lire, c'est pas grave. Ça n'a pas paru. Si tu l'avais pas dit, Mathieu, ça aurait passé comme dans du bar. Mais pourquoi j'aurais dit « et en France » sinon? Je sais pas. Ça n'a pas vraiment de lien. Continuons avec... Tu sais, en parenthèse, on en parle à chaque fois. Là. C'est difficile d'ouvrir un iPhone 10 quand je peux pas le regarder, tu sais. C'est sûr que ça aide pas. Ah, c'est vrai, la reconnaissance spatiale. À cause de mes écouteurs et de mes de mon micro. On se rappelle que Mathieu a un iPhone à la fine pointe de la technologie, c'est-à-dire comme le toujours. Dernier iPhone. Mathieu est une pute à gadgets, c'est exactement. Ce que tu puis ça fonctionne pas, sa reconnaissance faciale, lorsqu'il est en studio le matin. Non, non. Mais on a la confirmation d'Alex Marchand. oui, OK, merveilleux. Alors, on continue avec le CES 2018. Le Game Boy sera de retour, mais sans Nintendo. Oui. Ouais, au CES de Las Vegas, on trouve de tout et parfois les surprises sont bonnes, nous rappelle 01net.com. Maintenant, un accessoiriste pour console présente une reproduction fidèle et améliorée du Game Boy qui devrait arriver d'ici l'été. OK. Hyperkin, fabricant d'accessoires pour console de jeu, n'a pas attendu que Nintendo le fasse par lui-même. Hein? Ouais. C'est à cette société Hyperkin qu'on doit le Smart Boy, à l'époque, un accessoire pour smartphone qui transformait un petit peu donc en Game Boy, c'est ça? Un accessoire pour smartphone qui transformait en Game Boy. Et bien aujourd'hui, hein, la société californienne a annoncé, pas aujourd'hui, mais récemment, à Las Vegas, son Ultra Game Boy. C'est le nom temporaire que porte cette nouvelle incarnation de la fameuse console portable. Et selon Gizmodo, la nouvelle venue améliore grandement l'original. Son boîtier est en aluminium. Il devrait donc mieux résister aux chocs du quotidien, même si la console originelle était quand même assez forte. L'écran LCD couleur et rétroéclairé, il sera possible d'en régler la puissance lumineuse ainsi que le contraste. Il va être possible aussi de désactiver le rétroéclairage pour retrouver la saveur du temps passé, donc que davantage. L'autonomie aussi va être améliorée. La batterie USB-C rechargeable est donnée pour tenir 6 heures. Et le Ultra Game Boy embarquera un connecteur pour casque audio sur le côté gauche et le côté droit parce que ces morceaux de chiptune doivent être partagés. Oh, hein? D'accord. Si tu écoutes de la musique à deux sur le même Game Boy. La console pourrait être commercialisée à partir de l'été prochain pour un peu moins de 100 US. C'est Ultra Game Boy. J'ai vraiment très hâte de m'en acheter une. Pour vrai, 100 US en plus, c'est vraiment pas cher. Non, vraiment. J'en veux deux. Une par main. Ouh là là, t'es en feu. Mais non. Donc voilà pour ça existe, ça ne devrait pas là. Les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1187. Je disais qu'Alex Marchand était dans les parages, ben le v'là arrivé. Allô. Ça va? Ah oui, ça va très bien, puis vous autres? Ben, mais hein, content de te voir. Moi aussi, content de vous voir, comme d'habitude. De quoi tu nous parles dans ta chronique Dans ma tête, tantôt? Oh, on va parler de plein d'affaires, il se passe pas grand-chose présentement, fait qu'on va y aller surtout dans l'optique du divertissement. Ok. Donc, encore des séries, puis de la musique. On vient aux bases, aux bonnes vieilles bases de la musique. Puis l'alcool là-dedans? Pas aujourd'hui. Non? Non, un petit peu de sobriété, ça fait du bien, Mathieu. OK. Il a atteint son fond. Le fond du baril. Exactement. On a vu les photos. Ah, c'est clair. Mais surtout qu'en janvier, ben, il n'y a pas grand monde qui achète de l'alcool. Fait que c'était longtemps que j'ai pas été dans une SOQ. Pour vrai? Même pour travailler, ouais. Ah, ouais? Voyons donc, j'aurais pensé que tu bois un petit peu de vin avant de te coucher. Non, pas tout le temps. Du cognac, par exemple, ça. Ça réchauffe l'intérieur. Non, pas vraiment, en fait. Pas vraiment. Le mois de février sans alcool sera pas très difficile pour moi. Ah, ça, c'est bon, ça. Pas très difficile. Bonne je vais encourager les gens qui en ont besoin. Ouais. Ah. Oh, Lynn. On prend une pause. On revient avec Dans ma tête avec Alex Marchand. Aujourd'hui. C'est fou! 89 Assemblage Reiki pour toi aujourd'hui. Toujours dans l'émission matinale Assemblage Reiki, accompagné de Mathieu Blanc. Et de Tania Bonneau. Ok, oui, on s'en va. Jaser quelqu'un d'autre, Mathieu. Ben, mais ça, on s'en va pas. Mais non, on reste là, mais on va discuter avec lui. C'est ça, parce que lui, on le voit pas souvent, mais quand on le voit, on veut pas qu'il s'en aille. Mm-hmm. Tu sais? Mais malheureusement, ben, il y a jamais grand temps qui reste à l'émission. Donc, on va y aller tout de suite, hein? Avec Dans la tête d'Alex Marchand. Dans ma tête, avec Alex Marchand. Hello, Alex Marchand. Ça va bien? Ah ben, ça va très bien. Colin, c'est le fun, ça. Hey. On aime ça, les gens qui vont bien. Eh hey, oui, j'ai bien dormi cette nuit. Ah ouais, combien de temps? Ah, trop longtemps. Trop longtemps? Ah ouais, je me suis couché à 11h hier. Sérieusement, je me suis couché à 9h15. tabarnak. Pour vrai, mon rhume, faut que je m'en remette, fait que ça fait comme 3 jours de suite que je me couche. C'est vrai. C'est une bonne idée, ça va bien. Une gorge, ça se soit. C'est ça. Bref, t'es là pour ta chronique dans ma tête. Oui, mais avant ça, j'ai peut-être trouvé une solution pour l'écho à la fin de mon jingle. Là. Ah oui, oui, oui. Ouais. L'écho, genre ici, là. Dans ma tête. Alex Marchand. Ouais, c'est ça, on entend très bien que... Dans ma tête, avec Alex Marchand. Ouais, que ta tête ouais. est vide, ouais. Il y a de l'écho, exactement, mais il y a comme des petits trucs d'isolation. Mais tu sais, t'as pas besoin d'isoler ta chambre ouais. spatiale dans ton garde-robe, nécessairement. Il y a des petits pads, genre, avec des trucs d'isolation que tu mets derrière ton micro ouais. qui coupe le son. Coûte une centaine de dollars, c'est quand même un bon prix. Mais je suis en train de faire un petit studio maison, fait que... Sinon, les boîtes de coquilles d'œufs. D'œufs, ouais. Ah, aussi, ce que ça fait moins beau. Ouais, ouais, mais peinture lait à canette. Ah, aussi. C'est juste que si tu dédies une pièce à tes œufs, ça va bien. C'est sûr. Mais sinon, c'est dans ma chambre présentement. Je vais arrêter de faire ça. J'essaie de trouver un petit spot quand même assez intéressant. C'est que ça, Alex, va être pas mal plus équipé que c'est fou. Donc! Oui, oui, oui. Donc, on va corriger ça si je reviens dans les prochaines semaines. Mais pas, en fait, c'est la prochaine session d'après parce que moi, je finis cette année. Ah! Eh oui. Tu dis ça de même, là, puis tu avertis pas à l'avance. Non, c'est ça. Tu vis comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. En tout cas, fais ta chronique pareille, ouais. même si tu t'en vas de toute façon. Ah ben oui, c'est clair, je vais la faire. Donc, on commence ça tout de suite. Je vais commencer en vous parlant de Black Mirror, la série. J'en ai peut-être déjà parlé, mais la saison 4 est sortie, puis mon Dieu. C'est fou, hein? Ça fait peur. Ah, c'est exactement ça. C'est comme la réalité qui s'en vient. Exact, mais ils prennent toutes des technologies qui sont en train d'être développées, puis ils te les mettent dans un contexte que tabarnane. Ah ouais? Ah non, ça a aucun sens. Donne des exemples qui t'ont marqué le plus dans les 4 saisons. Tu sais, par exemple, il y en a un qui c'est Colin, c'est Metalhead, que l'épisode s'appelle, où que la prémisse un peu, c'est qu'il y a des espèces de chiens robots qui sont comme armés qui peuvent tuer quelqu'un. Fait qu'ils ont le droit de le faire. C'est un peu. Bien, puis ce que j'ai vu aussi, c'est que. C'est pas juste des pitbulls. Non, ouais, c'est des pitbulls, mais de guerre, là. Okay. Fait que, tu sais, non, ils ont des guns d'impact, là, tu sais. Ils font pas juste un mode, ils t'explosent la face. Comment ils font pour faire les effets spéciaux de ça, c'est ça que je me demande. Ah, je sais pas. Ils mettent du beurre de pin sur la patte, comme pour les faire parler? Ouais, peut-être. Puis, en fait, ce que je trouve intéressant, le parallèle avec ça, c'est des acteurs assez importants dans le monde de la technologie, comme Stephen Hawking, Bill Gates, puis entre autres, c'est entre autres ces deux-là que j'avais vu, en fait, dans un article hier sur Huffington Post, qui disait que l'intelligence artificielle les effrayait quand même beaucoup, étant donné que certains pays, en fait la plupart des pays occidentaux travaillaient sur des technologies où les robots pouvaient décider par eux-mêmes de tuer un humain au niveau des technologies de guerre. Okay. Fait que je trouvais que c'était un beau parallèle avec ça, où les espèces de chiens étaient comme développé une conscience, puis ils avaient décidé d'éliminer tous les humains, en fait. Donc je trouvais ça quand même, tu sais, c'était... Puis te mettre vraiment dans la psychologie de la personne qui est comme vraiment en détresse par rapport à tout ça. Vous avez regardé l'épisode, honnêtement, c'est dérangeant, Black Mirror, mais c'est tellement bien ficelé. Ils prennent des choses qu'on connaît déjà qui vont juste devenir pires dans le futur. Il me semble qu'il y a un épisode sur Tinder dans saison 4, là. Sur un genre de Tinder. Oui, ouais, exactement. Sauf que le Tinder ou la société, c'est dans saison 3, pareil. Ah non, c'est vrai, c'est dans Hank the DJ qu'elle s'appelle, celle-là. Tu connais les noms des épisodes par cœur? Oui, oui, moi je regarde ça, j'adore ça. C'est parce que c'est tellement bien scénarisé, il n'y a rien qui est laissé au hasard dans l'épisode. Tout va avoir un impact, c'est à quelque part. C'est Charlie Brooker qui fait cette série-là, c'est celui qui, en fait, personne ne va connaître ça parce que personne n'écoute de la télé britannique ici, j'imagine, mais qui faisait plein de séries sur l'analyse de la télé, du cinéma et des jeux vidéo en Grande-Bretagne, et qui s'est mis à faire Black Mirror. Je trouve ça vraiment le fun, ce gars-là, il est bon. Ah, il faisait oui, Peep Show aussi, il était dans Peep Show, il me semble c'est lui. Je sais pas, je connais pas ça. Je vais faire mes petites recherches là-dessus. Ok, génial. Ben bref, tout ça pour dire que Black Mirror, si vous aimez un peu le petit côté horreur, suspense, thriller, en plus du côté des nouvelles technologies qui s'en viennent, regardez ça, c'est vraiment incroyable. J'ai vraiment vu une série aussi bien faite que celle-là. Là, c'était effectivement un des écrivains auteurs de Peep Show, la série qui se passe à l'intérieur des gens, au premier, premier degré. Ah, c'est le fun. Ça donne Il y a de l'imagination, ce gars-là, c'est fou, Ren. Ah, c'est ça, c'est vrai. Mais il doit avoir une bonne équipe qui l'entoure aussi. Probablement, mais je pense que c'est Il me semble, Royaume-Uni, souvent, c'est pas nécessairement des. C'est pas comme aux États-Unis avec des équipes de millions de personnes, souvent. Non, non, c'est vrai. Sauf que, tu sais, c'est réaliser ça seul, honnêtement, je lèverais mon chapeau. Ouais. Ça aurait pris beaucoup de temps. Mais tu sais, je pense vraiment que c'est des gens qui savent. C'est des bons leaders qui savent s'entourer de bonnes équipes. Exactement. On parle juste à Seth MacFarlane qui prend tout le crédit pour qu'est-ce qu'il fait, mais qui doit avoir une équipe incroyable autour de lui. Là. C'est pas lui qui prend le crédit. On lui donne le crédit, souvent. Ben, quand tu produis, puis que tu réalises, puis que ton nom est le premier à apparaître sur le générique. C'est vrai. C'est sûr je pense que c'est ça, il y a un petit peu un égo démesuré. Il est drôle, il est très bon, Seth MacFarlane, avec entre autres les Griffin, Ted et tout ce qu'il y a autour de ça, mais tu sais, c'est les autres. Ouais. Donc, c'est à peu près tout pour Black Mirror. Regardez ça. Vous allez... Ok, combien d'épisodes, combien de minutes par épisode? Il y a 6 épisodes par saison, 4 saisons. Puis, c'est des épisodes d'à peu près 1 heure chaque. Ils sont pas interreliés entre eux, en fait. C'est tous des épisodes, c'est des l'anthologie. Ouais, exactement. Donc, vous pouvez arriver n'importe où, faire comme je veux regarder celle-là, être traumatisé pendant 20 heures, puis recommencer un épisode le lendemain parce que vous avez trop envie. Ça m'intéressait déjà, moi, là, je pense que je vais devoir regarder Black Mirror. Parce que tout le monde en parle, en plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mon Dieu que c'est vrai. Ouais. Donc, regardez ça, vous allez triper. Cool. Oui, donc après ça, on va passer à une autre série que j'ai regardée récemment au complet. Ça s'appelle The Martin Garrix Show. Le Martin Garrix Show. Ça, en fait, c'est pas un essai biographique, mais c'est plus... Ça suit Martin Garrix, qui est présentement le DJ numéro 1 au monde. C'est ça, c'est sorti? Oui, c'est sorti, mais c'est qu'ils ont fait plusieurs épisodes, au début des épisodes d'une demi-heure, puis ça remonte à peu près à il y a 3 ans, au moment où il était peut-être le DJ numéro 3 mondial. Mm-hmm. Puis ben là, c'est justement toute son évolution en allant à des festivals comme Coachella. C'est sur YouTube, d'ailleurs, c'est gratuit. Avant Coachella, comment qu'il prépare tout son show pour aller vers là. Des fois, il y a des moments en studio avec d'autres artistes, comme entre autres Matisse et Sadko, qui sont vraiment des artistes avec qui il collabore beaucoup. Puis sinon, ben, tu sais, toutes les shows où il va aller, qui vont le suivre, il va avoir des œuvres de bienfaisance aussi, où il va participer. Mais c'est vraiment intéressant de voir, tu sais, en tant qu'artiste, comment que Martin Garrix vit un peu sa vie, puis à quoi ça peut ressembler, quelqu'un qui passe sa vie là-dedans à créer d'un côté, mais aussi à faire des shows. Puis honnêtement, les setups sont assez mongols. Dans le fond, tu veux voir à quoi ta vie va ressembler quand tu vas être DJ numéro 1 au Québec. Je m'inspire, mais j'espère jamais arriver aussi loin que ça. Mais quand même, je trouve ça vraiment inspirant puis intéressant aussi de voir à quoi ça peut ressembler là. T'sais. Donc, si vous avez le goût, si vous avez des aspirations éventuellement, puis même juste si vous aimez la musique que Martin Garrix fait, c'est quelque chose de super intéressant aussi. C'est un personnage quand même assez intéressant à suivre. Puis, allez voir ça. C'est sur YouTube, c'est gratuit, puis c'est vraiment super cool. Bon. Donc, Black Mirror, non, c'est pas vrai. Ouais. Je vais m'en tenir à Black Mirror dans ce cas-là, mais OK. Sur YouTube, c'est cool ça. On aime ça. Exactement. Facile de même, facile d'accès. Puis, en plus, j'ai trouvé une petite tonne. Je sais pas si vous connaissez Walk of the Earth. Ben oui. Non. Non? Pas moi. Le nom me semble dire quelque chose. C'est pas de la capella, ça. Oui, ben ils font de la capella majoritairement. Ils ont fait beaucoup de. Ils font des remixes, mais à capella puis acoustique avec un paquet d'affaires autour d'eux autres. Ils ont fait entre autres Somebody That I Used to Know, Shape of You, des trucs comme ça. Pis c'est vraiment des vidéos. C'est des gros YouTubers. Ils sont vraiment très très suivis. C'est dans les top YouTubers, je pense. Dans les 2,9 millions. C'est pas la plus grosse affaire. Mm-hmm. Loin de là, mais c'est quand même. Ah, c'est vrai. Quand même regardé un peu. Mm-hmm. C'est pas tant que ça, 2,9 millions. Hein. Non, c'est vrai. Hein. Ils ont des followers, ça. D'abonnés, je veux dire. Oui. Mm. Ok, c'est pas tant. Puis bref, c'est ça. Ben, en gros, ils ont sorti une chanson récemment qui s'appelle Nomad, qu'on va pouvoir aller écouter bientôt. Puis en fait, c'est une tune qui va quand même chercher des sonorités que présentement j'apprécie quand même bien. C'est pas quelque chose qu'on connaît nécessairement. La rythmique est un peu spéciale. Les sonorités qu'ils sont allés chercher sont vraiment un petit peu underground, mais on a quand même quelque chose d'agréable à écouter au bout du compte. C'est donc, peut-être pour ça qu'ils ont juste 2,9, mais moi je suis content de ça parce que si c'était dans les milliards, je te dirais non, j'aurais pas ça. T'sais. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Parce que je suis snob. Call in, Mathieu. Donc, on écoute ça, Walk of the Earth avec Nomad. Et puis, on te remercie. Tu restes un peu ou tu t'en vas? Oh, je reste un petit peu. Walk of the Earth, à Assemblage Rocky. Yes. Wanna know ya, but I don't want you to go yet. I'm just talking about doing our bodies right. What we'll do is keep it simple, won't have to worry about a label. I'm not talking about a lifetime, just tonight. I don't wanna know you like that. Just wanna watch you be bad. We gonna keep it normal. Down with that, I'm down to keep it nomadic. You don't even have to ask me to. I do anything you wanna do. When the morning comes, I'll be gone. So let's enjoy the moment with no emotions. Thank you. I'm not talking about a lifetime, too. I don't wanna know you like that. Just wanna watch you be bad. We gonna keep it nomadic. Keep it nomad. Avec Nomad. Ici, on écoute la reprise à la fin, le générique de fermeture. Ah, c'est clair, un petit drop qui revient. Là, parce qu'on s'entend pour dire que c'est le meilleur moment de la toune. Oui. Effectivement. Ben, quand même. T'es un gars de dance floor, hein, et de DJ-isme. Et il faut qu'il y ait une drop à quelque part là-dedans. Faut qu'il y ait une drop. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs drops dans la même chanson? Oui, ben en fait c'est la même drop, mais des fois ils la font évoluer un peu, tu sais. Des fois ils vont changer les instruments qu'ils utilisent pour faire la drop ou tu sais, ça va vraiment dépendre de l'artiste puis des goûts du DJ. Mais faire deux drops différentes, c'est rare, tu sais. Vraiment, il y a une structure beaucoup dans la création musicale qui va être intro, verse 1, chorus, verse 2, chorus. Ou bien sinon il va y avoir deux verses collés, là, mais. Puis le chorus, généralement, dans la musique électronique, va être remplacé par une drop. Wow! Mais c'est vraiment la structure pop qui va dominer le monde musical, ou à peu près tout le temps. Non, ce qui va dominer le domaine musical, c'est toi, un jour, Alex Marchand, parce que tu t'es équipé en matériel sonore, et éventuellement, on va t'entendre avec un surnom à la place d'Alex Marchand dans ton intro. Qui sait, qui sait? DJ... Tu voulais pas le dire ton nom, tu l'as pas encore. Hein? Ah, je l'ai, mais je suis plus sûr, là. Ah. On va peut-être le changer, okay. Fait que je le dirai pas tout de suite. Parce que si tu dis, quelqu'un va te le voler. Hein? Quelqu'un va te le voler si tu le dis, puis tu dis tu vas le changer. Ah, c'est ça, exactement. C'est ça. J'ai pas commencé mon branding encore, là, faut... Non, des cartes d'affaires. Bientôt, bientôt, exactement. Qu'est-ce que tu vas faire comme activité? Est-ce que des parties? Il me semble qu'il n'y a pas un Black Light Party qui s'en vient. Oui, ça, c'est des DJ Danik B, par exemple, qui va mixer pour ce party-là, qui avait fait d'ailleurs le party F1, je crois. Non, c'est le Frosty. Non, il a fait le Frosty Danik. Quand même, puis c'est quand même assez bon DJ. Il a un bon son. Pis, il n'a pas un bon surnom, là, parce que c'est son nom. Ouais, probablement. DJ mais j'imagine Danik que son B. nom est plus long que, de famille est plus long que B. Mais peut-être que on c'est vraiment B. B-E. Quand sa blonde l'appelle peut-être B. Non, effectivement. D'ailleurs, comme il y avait la semaine dernière, mercredi, le show de la rentrée où Krona a donné une performance assez incroyable. Krona d'entrepôt, c'était trop bien. Non, personne n'appelle la main. Personne n'appelle la main. Non, mais peut-être que ça serait drôle par exemple, hein, je veux dire. Mais oui, c'est ça, il y a donné un méchant show. Puis, tu sais, en restant, ce qui me fascine des très bons DJ, c'est qu'ils vont rentrer dans un univers, en fait. Ouais. T'sais, ils vont imposer leur son d'une certaine manière en rentrant quelques trucs assez pop pour que la foule embarque. Mm-hmm. Ou embarquer un remix un mané qu'ils vont amener ailleurs, mais la foule est comme déjà « Ah, j'ai eu mon anan, à cette heure j'ai le goût de continuer de danser. » Fait ouais. que là, ben... Faut en transe pour le reste de la soirée. Exactement. Donc là, réussir à nous amener dans un univers complètement trap, complètement fucked up, mais le monde a vraiment embarqué, puis c'était super le fun. Beaucoup de plaisir. Excellent, ça. Oui. C'est ça que tu vas faire, le party Black Light, et il y a rien d'autre à signaler en ce moment? Non, mais il y en a un que je suis en train d'organiser avec un de mes partenaires à Joliette, par exemple. Okay. Partie de la rentrée du Mm-hmm. Donc en collaboration avec ben pas encore là, on est en train de travailler là-dessus, mais avec la RECJL qui est l'association étudiante de sur place. Donc ça va être au Saint-Bernard qui est déjà le bar où je travaille avec justement mon partner. Mm-hmm. Donc on va voir 1er février peut-être, je vais pouvoir vous donner plus de détails une fois que tout ça va être ficelé. Super, d'ici là on va se retrouver la semaine prochaine. Certainement. Toujours les mercredis à 9h30 pour Dans la tête d'Alex Marchand. Ok, oui. Merci. Avec un peu moins d'écho la prochaine fois. Tu penses? On va essayer, on va voir. Dans l'intro ou pas? Ben oui. Parce que là, ici, on peut pas faire grand chose parce qu'on a un local avec un haut plafond. Ça, je te oui, dis. C'est ça. Mais on va prendre une pédale d'effet. Attends. Ah oui, j'aimerais ça. Hey, à mon autre emploi, là. De studio radio. Oui. Il y a une petite machine, genre, que tu peux modifier les voix live en ondes dans les micros. Mm-hmm. Genre une voix masquée, ben censurée. Oui, clairement. C'est cool, juste dans toutes les autres stations, ils ont ça. Moi, c'est ça que je dis. Bref, merci. On va faire une campagne de sociofinancement. Ouais, c'est ça. Ouais. On va faire un souper spaghetti. Un souper, une grosse pointe en dresse. On goûte tous les produits qu'on a goûtés pendant l'année. Juste des cochonneries. Ça va bien, ça. Ça serait excellent. En fait, ça serait concept. Ouais, hein. Ça serait vraiment beau. On en garde à chaque semaine pour le reste de l'année. Ouais. Puis elle fait ça. Bon. Bref, Alex Marchand. Ouais. Merci. Gros succès du Lac Saint-Jean. Ouais, oh, à 30$ de Christian Bégin, ça. Ouais. Cool. J'ai faim. Ok. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on va terminer cette chronique-là et on va terminer l'émission aussi là-dessus, tant qu'à être dans le coin de fermer les affaires. Hein? Fermer les parenthèses. Alors merci à Sébastien F. Gertin pour sa chronique Bulletin Gertin en début d'émission. Merci encore une fois à toi, Alex Marchand, à toi, Mathieu Plante. À toi, Tania Baudin. Merci beaucoup. On n'a pas eu Gabriel Béhoud qui va être de retour dans les prochaines semaines. Il y a tout le temps des jobs d'enseignement. David Ferron, lui, m'a dit qu'il allait être là la semaine prochaine, donc on va voir aussi. Manquez pas son émission L'Obe Trotter les mercredis soirs à 19h entre temps. Mm-hmm. Lui, il veut absolument faire la plus longue journée au monde. Ben oui, c'est ça. Sa chronique à 8h le matin. Puis... Non, il va faire une sieste l'après-midi. 8h30. Oui, sûrement. J'aimerais ça. On aimerait ça, tous les deux. On aimerait ça. On adorerait ça. Pourquoi David dort des fois? Oui, il dort. Souvent. Parfois. De nos jours, il a slacké un petit peu ça. Ah, c'est ça. Une bonne nouvelle. Ouais. Demain à l'émission, tout le monde, on va être jeudi. On va avoir Véronique Meir et son grand retour pour sa Véronique Lopédie. Ça, c'est à 7h30. Et puis, une grosse pointe d'adresse en toute fin d'émission pour goûter, comme d'habitude, de la malbouffe. Mm-hmm. Voilà. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, on est mercredi, donc restez là pour Compte à rebours qui s'en vient dans quelques instants en rediffusion. Ensuite, moi, je vais être là en direct. C'est confirmé, le retour du Mathieu Planchot avec mon chroniqueur Frédéric Simon aujourd'hui. Oui. Ça va être fun, ça. À 17h, Audiomatique, qui eux n'en manquent pas une. Écoutedonc.ca. On peut pas dire la même chose d'eux, mais quand même à 18h, donc l'émission de découverte musicale. Et puis à 19h, comme je disais, L'Obe Trotter avec David Ferron. On se retrouve demain à partir de 7h juste. Bye bye. Bye, bon café tout le monde.